Tu sais chanter le nom de Jésus? Si tu aimes ça, tu aimes quel cantique déjà? Je sais pas chanter ça, mais quand tu avais. Cantique est-il? Pas mal. Saint, tu sais chanter au Saint? Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint est le Seigneur, il est saint, saint, saint, saint, saint, saint, saint est le Seigneur, le Seigneur est saint, saint. Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, il est Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Seigneur est vivant, vivant, vivant, vivant, vivant, alléluia, vivant, vivant, vivant, vivant est le Seigneur. Le Seigneur est amour, amour, amour, amour, amour, amour, amour, amour, amour est le Seigneur, il est amour, amour, amour, amour, amour. Le Seigneur est glorieux, glorieux, glorieux, glorieux, glorieux, glorieux, glorieux, glorieux, glorieux est le Seigneur. Il est glorieux, glorieux, glorieux, glorieux, glorieux. Puissant, puissant, puissant, puissant, puissant, puissant, puissant, puissant, puissant est le Seigneur, il est puissant, puissant, puissant, puissant, puissant, puissant, puissant, puissant est le Seigneur. Le Seigneur est sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur est le Seigneur. Sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur est le Seigneur. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il m'a aimé, il m'a aimé. Jésus m'a aimé, le roi des rois. Le moment est là, magnifié. Que ton nom soit magnifié. Le moment est là. Que ton nom soit magnifié. Le moment est là. Le moment. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment célébré. Que ton nom soit célébré. Le moment est là. Que ton nom soit célébré. Le moment est là. Le moment. Le moment est là. Le Seigneur. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est magnifique. Que ton nom soit magnifié. Le moment est là. Que ton nom soit magnifié. Le moment est là. Le moment de dire merci au Seigneur. Le moment est là. Le moment de les louer. Le moment est là. Adorer. Ton nom soit adoré. Le moment est là. Que ton nom soit adoré. Le moment est là. Le moment. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Le moment. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Exalté. Que ton nom soit exalté. Le moment est là. Que ton nom soit exalté. Le moment. Alléluia. Celui qui aime Jésus applaudit. Celui qui n'aime pas Jésus n'applaudit pas. Celui qui aime Jésus applaudit bien. Amen. Celui qui aime Jésus applaudit. Celui qui aime Jésus applaudit. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est adoré. Que ton nom soit adoré. Le moment est là. Que ton nom soit adoré. Le moment est là. Le moment. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment glorifié. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, le moment est là, le moment est là, le moment est là, le moment magnifié. Le moment est là, que ton nom soit magnifié. Le moment

Mes frères, mes sœurs, le Seigneur Jésus, il est Dieu. Souvenez-vous que sans lui, vous ne pouvez absolument rien faire. Nous lui devons tout et il ne nous doit absolument rien. Il lui a plu de descendre des hauts des cieux pour donner sa vie pour nos iniquités. Que peux-tu lui donner? Que peux-tu faire pour lui? N'est-ce pas de l'adorer, de le célébrer? Parle-lui. Avec tes propres mots, parle-lui. Parle-lui. Seigneur, cette pauvre boue qui se prosterne devant de toi, ouvrant cette bouche de mortel pour t'adresser à toi, divin, toi, le grand Dieu des cieux, toi seul qui règne d'éternité en éternité, j'ose me prosterner devant de toi, Père, pour te remercier pour tes hauts faits dans ma vie, dans la vie de mes frères ici, et dans la vie de mes frères dans tout le monde entier. J'ose me prosterner pour te parler, Père, toi le Tout-Puissant. Mais c'est par la grâce, Père, par l'œuvre de la croix, que notre glorieux Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a accompli. C'est seulement par cela, ô Dieu, que je puis, que nous puissions, Père, nous approcher de toi. Car c'est par ce sang de la croix que tu nous... C'est par au travers de ce sang que tu nous vois. Seigneur, il a plu dans ta préscience de nous élire, Père de gloire, avant la fondation du monde, afin que nous te soyons redevables, ô Dieu, par le sang de la croix. Afin que nous t'adressions, Père de gloire, sous ce sang-là et en vertu de cette œuvre-là seule, que nous nous adressons à toi. Père, nous sommes ici, Père, célébrer ton nom grand et glorieux, ton nom redoutable et puissant. C'est nom majestueux, Dieu de gloire. Tu nous as donné à nous, les pauvres mortels, de t'adresser, Père de gloire, des paroles. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu es souverainement élevé. Seigneur, nous t'aimons et nous montrons au Père de gloire par les sacrifices de louanges, les lèvres, Père, venant des lèvres, des louanges venant des lèvres pures pour célébrer ton nom. Car toi seul, tu es saint. Tu es digne et tu règnes. Seigneur, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos pensées, tu règnes dans nos actions. Seigneur, tu vis éternellement. Toi seul, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos familles, tu contrôles nos pensées, tu contrôles notre âme. Sanctifie-nous, Père, maintenant, alors que nous sommes assemblés en ta présence. Nous nous soumettons, ô Dieu de gloire, à toi, afin que toi, tu règnes dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne, ô Dieu de gloire, dans notre âme. Merci, Père. Merci, Dieu de gloire. Tu es seul élevé. Que ton nom, ô Dieu, soit majesté dans nos cœurs encore. Merci, Dieu du ciel et de la terre. Que ton nom soit élevé, Père. Merci, Père de gloire, pour les frères et ceux qui sont venus de loin. Merci, ô Dieu de gloire, pour ce rassemblement que toi seul tu as organisé. Merci, Père de gloire, pour la nourriture que tu nous donnes en ce lieu. Merci, Père de gloire, pour ta présence. Merci, Dieu, pour nos cœurs. Ô Seigneur, donne-nous, ô Père, afin que même si, ô Dieu, ces nourritures sont solides pour nous, que nous puissions les avaler et les assimiler. Soumets nos cœurs en ta puissance. Soumets nos cœurs dans ta présence, Père, afin que nous élevions ton Saint-Nom. Car toi seul, tu règnes. Tu règnes dans nos cœurs. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Merci, Seigneur. Il règne. Il règne, il règne, et vit éternellement. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Dans ce lieu même, il règne, et vit éternellement. Dans nos cœurs, oh, dans nos vies, oh, il règne, et vit éternellement. Dans nos familles, il règne, règne et vit éternellement. Jésus règne, il règne, il règne, il règne et vit éternellement. Dans nos travails, il règne, il règne, il règne et vit éternellement. En Belgique, il règne, il règne, il règne et vit éternellement. Seigneur, tu as ta moisson dans ce pays. Tu as ta moisson dans cette ville. Et tu as répandu le sel, Père de gloire, sur ce territoire, afin qu'elle puisse saler, Père de gloire, toutes les puanteurs et les pourritures de la viande qu'est ce pays. Seigneur, merci pour ce sel que tu as répandu. Je prie, Père de gloire, que ce sel, ô Dieu, ne perde pas sa salinité. Je prie, ô Dieu de gloire, que ce que tu allumes dans ce sel en chauffant, que ça soit bien iodé, Père, pour avancer dans la salinité et faire reculer la pourriture. Bien que la pourriture ait assez avancé, Seigneur, tu es descendu avec ta flamme, Père, pour faire reculer, au Dieu de gloire, et ranimer encore la flamme. Et je prie au Dieu de gloire que ce sel prenne conscience. Je prie au Dieu de gloire que les lumières que tu allumes dans ce pays-ci puissent briller partout où les ténèbres ont pris contrôle. Et puis étendre, au Dieu de gloire, ta domination, afin qu'on sache que tu es le Tout-Puissant et que tu règnes en Belgique. Que toute la gloire, l'honneur soit pour toi, d'éternité en éternité. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous êtes les bienvenus, Saint. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salons-nous les uns et les autres. Salons-nous les uns, les autres, les unes, les autres. Bienvenue, bienvenue. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça va? Salut tout le monde. Va saluer tout le monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse. Ma soeur, ça va? Ma soeur, félicité. Mon frère, tu as vu? Oui. Bon arrivé. Merci. Non, c'est à vous de me dire mon arrivé. Pas vrai. Salut tout le monde, salut tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu as dit à tout le monde que Dieu vous bénisse. Salut là. Dis que Dieu te bénisse. Tiens. Et vous êtes ici calme comme ça, alors qu'à la maison vous bavardez. Vous bavardez avec. D'accord? Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Ouais. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma chère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur. Je suis le frère Junior. La mienne à Yassin. Bonne arrivée. Que Dieu te bénisse. Ça va, mon frère? Ça va. Content? Les enfants, venez vous asseoir. C'est le moment glorieux. C'est le moment glorieux que nous avons. Ça va, mon vieux? Viens, alors, viens, viens me saluer. Comment tu me fais? Viens, viens. Tu me connais? Je suis qui? Eh bien, mon frère, ça va, ça va. Ça va. Je suis content de te voir. C'est qui là? Regarde, c'est qui? C'est ta gars, tu l'as embrassé? Bien sûr, je l'ai embrassé. T'asseoir, tu es la princesse, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans votre porte, je suis ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as des questions? N'aie pas peur, ce sont les chrétiens ici. D'accord, va. Nous sommes dans la chambre haute quand même. C'est ça? En fait, si je suis ici, c'était pour savoir un peu. Comment rencontrer Dieu? Bonne question. C'est une très, un bon sujet qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas? Maintenant, je crois que c'est le mieux que tu essayes quelque part ici et que l'enfant se soit là-bas. Comme ça, oui. Comme ça, on va bien causer. Comment rencontrer Dieu? C'est assez grand. Tu le cherches pourquoi? Pourquoi tu cherches à rencontrer Dieu? Parce que pourquoi je l'introduis ton plus dans son bureau? Parce qu'il est là dans le bureau là-bas. Dis-nous pourquoi tu veux le rencontrer. Je pense que Oui. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Oui. Mais je trouve que ce serait, il serait temps, en fait, de le rencontrer. Oui. Et de découvrir, en fait, qui il est. Qui il est. Ouais. Pourquoi à cet âge, si tu commences à te poser des questions, qu'est-ce qui te pousse vraiment? Qu'est-ce qui te motive? Mais c'est pas que. C'est à cet âge, en fait, que je me pose la question. Parce que depuis que je suis toute jeune, oui. On me dit voilà, l'église, il faut machin, il faut se baptiser, faut... tout ça, j'ai fait. Oui. Mais au final, chaque fois que tu dis, tu existes, tu n'existes pas, tu existes. Il y a ces doutes-là. En fait, je me dis parfois, oui, je vais le rencontrer, mais il ressemble à quoi? Oui. Pendant qu'on commence à chanter, si tes pensées sont sorties hors d'ici, puis c'est revenu. Tu partais où? Mes pensées sont sorties, j'allais parce que j'ai ma mère qui est hospitalisée. Oui, on va prier pour elle, d'accord? Là, je voulais qu'on prie pour elle. Oui, on va prier pour elle. Je pensais un peu à elle. Ok, bon, tu commences à le voir là. Oui. Qui ça? Hein? Qui? Tu commences à le voir, je suis sûr de t'introduire chez lui. Là, j'appelle la tu vois ça? Non, mais je suis sûr de dire, pendant qu'on prie, je suis ici, je suis sûr d'adorer, je vois tes pensées sortir hors d'ici et revenir. Oui. Et là, je te dis, pendant qu'on priait, tes pensées sont sorties hors d'ici et revenir. C'était où? Je suis sûr de t'introduire chez Dieu. Oui. Donc, je veux que tu fasses sa connaissance. D'accord? Ta connaissance. Mais le vrai problème avec lui, c'est qu'il l'aime tellement au point où il est jaloux. Il n'y a pas plus jaloux que lui. Vous savez? Ça veut dire, s'il t'aime, il aimerait tellement te garder pour lui au point où si tu fais quelque chose, tu aimes quelqu'un d'autre, il serait prêt à tuer ce mari-là à cause de toi. Tu comprends ce qu'il dit? Est-ce que tu souhaiterais être avec lui parce qu'il est trop possessif avec Dieu? Tu si je me suis levée là, j'ai décidé de chercher, c'est juste que je pense, peut-être pas prête à 100%, oui. Mais je crois qu'une partie de moi en fait. Une partie, c'est de le réclame. Ça veut dire que, comment je peux expliquer? C'est juste que parfois, j'ai cherché l'amour, tu vois. Oui. Envers les gens, envers la famille, envers... Mais je pense que c'est pas suffisant. On va commencer par le commencement. Il faut que le Seigneur envoie sa parole à l'hôpital maintenant. Alors que nous tenons ici, d'accord? Donc, la première chose que nous allons faire, c'est prier d'abord pour la maman, pour qu'il envoie sa parole à l'hôpital. Parce que la Bible déclare qu'il envoie sa parole guérit. D'accord? C'est la chose qu'on va d'abord prier pour elle, d'accord? Quelle que soit la maladie dont elle souffre, on va prier pour elle maintenant, d'accord? Parce que vous êtes avec moi en esprit, d'accord? On va prier pour sa maman, d'accord? On ne veut pas savoir quelle maladie elle souffre. On va prier pour ta maman. Tendre Père, c'est toi qui as révélé alors que ses pensées au Dieu de gloire étaient dirigées vers cet hôpital. Seigneur, elle a la pensée, elle aime sa maman. Et c'est ta volonté, Père de gloire, qu'elle guérisse. Nous soumettons au Dieu de gloire sa maman. Nous ne la connaissons pas, mais toi, tu la connais. Je dis au Dieu de gloire, avec mes frères ici, unis dans l'esprit, nous soumettons son âme, son corps entre tes mains. Que maintenant tu lui accordes la guérison. Accorde-lui la guérison maintenant, Père de gloire. Puisse ta parole la toucher maintenant, l'endroit où c'est toujours. Je prie au Père de gloire que tu la guérisses maintenant, qu'elle se relève de cet hôpital et qu'elle en sorte. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Ta parole est vivante. Seigneur, nous soumettons au Dieu de gloire son corps physique et son âme entre les mains du Seigneur. Et nous prions au Dieu de gloire que tu la relèves de ce lit de malade. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Que ton nom se soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez prié pour elle. Mais sais-tu, en train de dire quelque chose, sais-tu qu'à plusieurs fois Dieu t'a parlé, mais tu as fait la sourde oreille? Plusieurs fois. Bon, maintenant c'est le moment de rentrer à la maison, n'est-ce pas? Parce que ça n'avait pas été avec sa garde, tu serais entré dans les excès de cette vie-ci, au point où tu devais te perdre. Mais il t'a préservé jusqu'à ce point. C'est le moment de venir à la maison, n'est-ce pas? Donc il te faut la repentance. Tu vas descendre les escaliers, tu vas aller à genoux là-bas, tu lui dis tout sur ta vie, toutes ces mauvaises choses-là, et cette voie de dérèglement dont tu as vécu, et puis tu reviens, d'accord? Prends ton temps, va parler, ne cache rien. Ne pleure pas, d'accord? Il t'aime, d'accord? Voilà. Comment vous allez? Frère Trabi? Oui. Oui, l'ancien ami de... Comment ça s'appelle? Bagos, Yako. Comment ça s'appelle ton ami de... celui-là qui est venu à la maison pour vous embrouiller là. Boka. Boka. Oui, comment va toi? Comment va votre ami Boka? Ah, on n'a plus de ces nouvelles depuis la fois dernière, on n'a plus à échanger ce qu'il y a. Elle avait bloqué. Oui. Pour finir, elle avait bloqué. Ouais. Elle a bloqué. C'est lui qui vous a bloqué. Non, moi je l'ai bloqué. Lui, il a bloqué. Ok, ok, ok. On va travailler. Je crois que le Seigneur nous a envoyé quelqu'un. Il veut quelqu'un dans sa maison. Rebonsoir, ma soeur. Je me pose des questions depuis que je t'ai vu. Je me pose des questions. Dans le train là, fait. Vous savez, vous voyez comment le wagon passe là. La Bible dit que chacun était dans le train et que chacun avait son péché. Vous voyez, c'est parti. Satan amène comme ça en enfer. Mais Dieu nous a enlevé pour nous mettre ici à côté alors que le train continue. Donc je me posais des questions pendant que j'étais en train de prier. Et comme je t'ai vu, je me pose des questions. Les Européens ne parviennent pas à croire en Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas répondre pour les autres. Ok. Là encore. Ouais, les Européens, je ne sais pas comment ils. Enfin, pourquoi ils ne croient pas? Mais il y en a qui croient, mais ils croient peut-être pas profondément, ils croient moitié. Vie dans le monde, moitié, aller à l'église juste pour tradition, pour leur tradition. Oui. Je crois que c'est ça. Et là, ma question encore, ma question encore davantage est grave parce que tu es de la Russie. Oui. Et chez Vladimir Poutine, le président Vladimir Poutine, là-bas c'est le pays du froid où il y a l'orthodoxie. Oui. Comment tu as fait pour croire au Seigneur Jésus? Mais en fait, quand j'étais encore au pays, tu sais, je veux dire que je sentais quelque chose. Depuis quand j'étais petite, j'étais intriguée par ma grand-mère qui m'a parlé qu'un jour ce sera la fin du monde. Oui. Voilà. Enfin, je dis en bref. Quand j'étais petite. Et j'ai eu peur à ça, mais ça m'a intriguée, ça m'intéressait. Oui. Mais chez nous, on n'a pas de Bible à l'époque. Oui. On n'a pas eu. Et quand j'étais jeune, personne ne m'a pas donné, je n'ai pas cherché. Et puis après, à un moment donné, je sentais que j'ai besoin d'aller à l'église. Pas vraiment aller à l'église, mais savoir quelque chose qui est Dieu. Vraiment, je sentais quelque chose en moi que Dieu existe. Tu vois? C'était dans mon cœur où je cherchais, je ne comprenais pas. Et je suis allée une fois à l'église orthodoxe, parce que chez nous c'est orthodoxe. Oui. Et alors je suis allée là-bas, j'ai demandé, est-ce que vous savez m'expliquer quelque chose sur Dieu? Oui. Ils ont dit, va chercher le pape, il va t'expliquer. Mais moi, je voulais pas chercher parce que j'ai avancé, mais eux, ils tournent le dos vers l'icône, ils chantent. Ils prient vers la statue. Même pas prier. Oui. Tu sais, c'est ma langue maternelle, hein, je comprends bien, mais je comprenais rien. Parce que lui, moitié chanter, moitié dire quelque chose, mais c'est répétitif comme chez les catholiques. Un peu la même chose, et après il embrasse quoi, il embrasse la main, je n'aimais pas trop quoi, ça. Et puis après, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui voulait baptiser son enfant, c'est comme chez les catholiques, chez eux aussi. Enfin, j'étais baptisée aussi, quand j'étais petite, je n'ai pas demandé, c'est ma grand-mère qui m'a amenée, et puis c'était la tradition. Et je n'aimais pas non plus. Ouais. Et alors je me suis dit, purée, je n'aime pas. Et je sentais que ce n'est pas là-bas qu'il y a Dieu. Et puis un jour, j'ai travaillé et un jeune garçon qui m'a parlé du Seigneur, il m'a dit, Irina, si vous croyez, si vous venez vers Dieu, il va vous bénir et tout ça. Ouais. Ça m'a intéressé. Je suis allée, ils ont... Ça, c'est en Russie. En fait, je n'ai pas habité en Russie même, c'était l'ex-Union soviétique. Ah, oui. J'ai habité dans les pays musulmans, en Kirghizie. Kirghizistan. Donc c'était, au Kirghizistan. Kirghizistan, c'est la frontière avec la Chine. Oui. Et alors, voilà, j'ai habité là-bas, c'était moitié des musulmans, moitié d'orthodoxes, moitié des... C'est mélangé, il y a plein de nationalités là chez nous. Oui. Et alors là, donc j'ai travaillé, et un jour le garçon qui m'a dit, voilà, venez à l'église, ils ont loué la salle de théâtre. Oui. Et voilà, je suis allée là-bas, ça me plu, c'était de leur... Enfin, ce qu'ils ont expliqué, tout sur la Bible, on m'a donné la Bible. Waouh, votre première Bible? Oui, non, c'est pas là-bas qu'on m'a donné, c'est une copine à moi, qui a rencontré quelqu'un qui vient de Corée du Sud. Oui. Ils ont amené le Nouveau Testament en russe. Oui. Et alors, elle m'a donné. J'ai commencé à lire, ça m'intéressait, mais je ne comprenais pas grand-chose. Oui. Mais j'aimais bien. Oui. J'aimais bien. Et puis après, voilà, je rencontrais au boulot ce... Et puis, il a dit, ma femme aussi, elle vient, venez, venez. Et donc, je suis allée, j'ai vu ce... Donc, mon collègue et sa femme. Et comme ça, j'ai commencé à aller, j'ai intéressé. Oui. Et puis, nous sommes partis en Belgique. Mais c'est vrai, après, j'étais vraiment, d'abord, j'ai eu la flamme, quoi, mm-hmm. on peut dire. Mais après, tu sais, quand on est venu en Belgique, parce qu'on est venu comme réfugié politique. Oui. Et là, je me suis éloignée très loin, tu sais. Seigneur. Oui, vraiment, je... C'était, et puis après, donc c'était grand période, hein, que je n'ai pas, je suis allée ici, et j'ai rencontré Joseph là, à l'église protestante ici oui. à Boulevard d'Herbach. Oui. Et alors, j'ai demandé à ma fille, parce qu'elle elle parlait français déjà, moi oui. je ne parlais pas français, oui. et je dis à ma fille, dis-moi s'il parlait de quoi, si ça ressemble à notre église là-bas. Oui. Enfin, elle m'a dit, oui, ça ressemble. Alors, je suis allée là, je savais que chez catholique, c'est la même chose que chez nous, chez l'orthodoxe, oui. et les maîtres des chapeaux, des poids, des choses, ça. Oui. oui. Alors là, c'était pasteur avec son petit truc, enfin, la veste. Robe, oui, oui, veste, robe. Et là, ça va, c'était allé, et puis après, j'ai appris un peu français, et ça a été, mais après aussi c'était la routine, on s'est commencé à discuter avec les gens, enfin il y a des rumeurs et tout ça, enfin je suis partie comme Joseph, quoi. Et puis après je me suis éloignée, oui. je me suis très éloignée, vraiment, je savais que Dieu existe, je savais que je vis dans les péchés et tout ça, et je, ça ne m'a pas plu, mais c'était continue. Oui. Et tu n'aimais pas ça? Non, je n'aimais pas. Mais tu sais, franchement dire, c'est un peu, c'est la flamme qui s'éteint. C'est et puis après, j'ai rencontré une amie, un russe aussi. Oui. Elle était croyante, je ne savais pas. Ils ont des adventistes, j'ai déjà expliqué à Joseph. Et je commençais à aller chez eux, parce que c'est ma langue maternelle, c'est plus facile. C'est plus facile, oui. Et c'est, des prédications, elles sont très bonnes. Oui. Enfin, j'aimais bien la parole. Ça correspond à... tout ce qui était dans l'Évangile et l'Ancien Testament aussi. Oui. Et voilà. Et puis après, à nouveau, je n'aimais pas parce que ça commençait, c'était pas clair avec le dîme et tout ça. Enfin, c'est pas parce que j'ai payé, hein, oui. mais quand j'ai demandé, enfin, dans ma tête, c'était pas clair. Mmh. Oui, c'était pas clair pour moi. Mmh. Moi, j'aimerais bien l'explication, savoir, mais on m'a pas expliqué, mais c'est pas grave, je me suis dit tant pis. Mais je veux plus. Et après, par hasard, on se rencontrait. Ah, j'ai oublié de dire une fois. J'ai lu un livre. Oui. Et c'est une femme russe qui habite en Allemagne, oui. qui était allée en Sud-Afrique, Afrique du Sud. Oui. Et ça, c'était grande révélation dans les oh, j'ai oublié comment ça s'appelle, le peuple zoulou. Le peuple zoulou, ouais. Et c'était, elle a écrit le livre, elle était vraiment, c'est une quelqu'un qui est avec Dieu. Oui. Ça c'est certain et clair parce que elle a écrit, elle a dit, Seigneur m'avait, enfin je veux pas vous raconter toute l'histoire, vite, oui. Que elle a écrit les livres, justement elle a dit, écrit pour les russophones, pour ton peuple russe. Oui. Et elle a écrit tout, elle a donc, traduit, mmh. et elle a daté, c'est pas elle qui a inventé quelque chose. Elle a traduit la prédication de Erl Stegen, qui était pasteur, il est toujours là, dans Russie. Cette... Non, en Afrique du Sud, oui. C'est Kwasi Zabantu, ça s'appelle le ville, où, la ville, je ne sais pas où c'était révélation, mm-hmm. et c'était une commune chouette, et voilà, elle a travaillé là-bas. Mm-hmm. Avec les Allemands, c'était des Allemands, avec les Africains ensemble, ils ont vraiment, c'était, ça j'étais choquée quand mmh. je lis ce livre-là, première c'est la révélation qui commence par moi, mmh. ça s'appelle, et alors j'étais choquée parce qu'ils ont parlé, lui, mmh. en fait, il a traduit ses prédications, comme je l'ai déjà dit, mmh. il a parlé qu'il faut confesser ses péchés, mmh. et c'est pas confesser comme à l'église catholique, oui. il faut vraiment tout détailler depuis quand tu étais enfant, mmh. tout ça, et c'est vrai, mmh. la grâce de Dieu qui donne la... C'est la grâce de Dieu qui le donne Seigneur. La... Tu te souviens de tout ce qu'elle oui. a prié pour moi, je l'ai cherché, hein. Je oui. me suis dit comment je peux, à qui je peux me confier parce qu'il n'y a personne. J'ai demandé notre pasteur, le groupe russe, il m'a dit, ah oh, tu dis adieu et c'est bon quoi. Enfin, Moi, je... Les... chez les catholiques, je ne veux pas aller parce que je ne connais pas. En plus, en français, c'est difficile. Hein, et plus tu ne vois la personne, tu dis à quelqu'un, c'est pas clair. Oui. Oui. Alors, j'ai cherché cette femme, j'ai trouvé. Hein, et j'ai écrit la mère. Je dis, est-ce que je pourrais parce que ça m'a vraiment ça m'a angoissé que je ne peux pas aller. Et alors, je l'ai cherché, je l'ai tout écrit pendant un mois. Et elle a prié pour moi, et ça a été comme si c'était vraiment bien, je me sentais bien. Et puis j'ai eu envie de lire la parole. Parce qu'avant, je lisais. Ça ne pénétrait pas. Non. Et voilà. Et puis après, à nouveau, c'était. Enfin, je ne veux pas vous raconter tout, mais à nouveau, c'est un peu. C'est encore la décadence. Décadence, oui. C'est comme. C'est la même chose, ça reste la même, mais quand même un pied dans le monde, mon travail, tous mes amis, tout ça, et dans le Seigneur, c'est pas vraiment ce que je voulais, quoi, mais on vit. Alors que, et c'était, et par hasard, j'ai rencontré Joseph, et voilà, on se réunit ici pour de temps en temps, on pourrait. Et voilà, c'est tout. Mais pour les Européens, je ne sais pas vous dire, parce que il y en a qui vraiment, mes amis, ils disent, ah, tu es comme vieille bigote, enfin, je sais pas, tu commençais à faire ça, mais c'est pas ça, Dieu est amour, on doit aimer l'un les autres, enfin, de choses qui est vraie, mais qui cachent, mélangées avec les péchés, voilà. Attends, je te donne ta Bible. Ça. Oui. Ouvre-nous Jean dans ta Bible. Jean dans ta Bible. C'est la langue là, c'est difficile. Hein? Ouais, comment ça se dit Jean dans ta langue? Ioan. Comme en espagnol. Oui. Prends le chapitre 3, voir. 3. Voilà. Oui. Lis le verset 16 et 17. 16 et 17. Ben, je vais lire. Non, lis d'abord en russe. А? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Ici, car Dieu, il a aimé le monde, et il a donné son Fils, bien aimé, pour que tout ce qui croit en lui n'est pas mort, mais a eu la vie éternelle. Oui. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour la juger, mais pour que le monde soit sauvé. Applaudissons pour notre sœur. Tu n'es pas un bon traducteur. Tu as traduit exactement ce que ça dit. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Le choix de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le meilleur choix. Il n'y a pas de choix que cela. Il est la vie. Jésus-Christ est notre Seigneur. Mais, il y a une chose, il faut mesurer le prix pour suivre Jésus. Suivez très attentivement. Il faut mesurer le prix possible. Tout à l'heure, pendant qu'elle allait parler, elle parlait de son refroidissement. Si je parle, si c'est dur, si je parle et que c'est. Ça, tu ne comprends pas bien, tu dis je vais doucement. D'accord. D'accord, ma chère, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Irina. Comment tu t'appelles? Oh, c'est faux. Irène ici, Irène là. Que Dieu vous bénisse. Vous savez? Pendant qu'elle t'en parlait, elle parle de ce refroidissement et au là-bas, le fait qu'elle tombait dans le péché, elle vivait ici. Et puis, je me suis souvenu tout à l'heure quand j'étais à Genève, de prier, dit Seigneur, là où il y avait le sel, que tu illumines encore le sel. Il dit, waouh, quel est ce genre de prière? Vous savez, lorsqu'on est dans un milieu, comme dans un lieu de travail, et que les gens y volent, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu vas finir par voler comme eux. Si les gens sont dans la corruption, si tu n'as pas la haute moralité du Seigneur, je ne sais pas la moralité du monde, tu vas finir par corrompre également comme eux. Mais le Saint-Esprit, dans notre vie, nous aide dans chacune de nos faiblesses. Donc, en réalité, c'est le Saint-Esprit qu'il faut. C'est pour le Saint-Esprit, là, dans le mécanisme, on va continuer avec la religion. Parce que la religion, un de ces jours, tu vas faiblir. C'est ça qu'on passe. Alors, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut que nous soyons sous son regard d'une certaine façon maintenant. Et je crois que notre passage ici ne sera pas vain. Notre passage ne sera pas. Je vais vous raconter une histoire de la Bible. Il y avait un monsieur qu'on appelait Nathanaël, dans le livre de Jean au chapitre 2. Il était tellement fatigué par la religion au point où il allait se cacher quelque part. Un de ses frères, on appelait André, est venu le voir. Il dit, viens, viens, viens, viens. Nous avons trouvé de qui, celui de qui Moïse parle dans la loi. Jésus de Nazareth. Il a regardé comme ça. Il dit, Jésus de Nazareth, tu parles de Nazareth. Peux-tu venir quelque chose de Galilée en quelque chose de bon? Pourquoi il pose la question, peux-tu venir quelque chose de bon? Parce qu'ils ont eu recours, ils ont eu à voir des faux pasteurs, des faux sissis qui sont passés plusieurs fois. Ça l'a découragé. Mais il ne s'est pas découragé pour autant dans la totalité. Il s'était retiré dans ce système pour aller se retirer, pour chercher Dieu. Parce que les gens, l'une des choses les plus abominables, l'une des choses les plus emprisonnantes, ce sont les choses qu'on appelle la religion. Cette chose qu'on appelle la religion. Lorsque quelqu'un va dans un système religieux pour chercher Dieu, il va chercher Dieu longtemps, il ne trouvera pas Dieu. Il va trouver seulement les rejets, les mépris, l'hypocrisie et toutes les autres choses qui puissent être. Dieu ne se trouve pas dans le système religieux. Dieu se trouve hors de chacune des choses qu'on appelle système dans le monde. Il a dit dans la Bible que je me laisserai trouver par tous ceux qui me cherchent. Si tu me cherches, tu me trouveras à condition que tu me cherches de tout ton cœur. Il n'a pas dit que si tu me cherches dans la religion, on doit chercher Dieu de tout son cœur. Maintenant, comment savoir que nous, il est temps pour nous de chercher Dieu? Dieu met les indices dans nos vies. Certains de ces indices-là arrivent, nous appelons dans notre langue le hasard. Vous voyez? Certains de ces indices-là, par exemple, dans le cas de notre sœur Irena, elle dit quand elle était petite, c'est pour ça qu'elle demandait de répéter cela. Quand elle était petite, sa grand-mère lui parlait qu'il y aura la fin du monde un jour. Le simple fait que sa maman lui a parlé, ça s'est resté dans son âme. Au point où, quand elle grandissait, malgré que le pays, la Russie, l'ex-URSS est froid, ça n'a pas refroidi cette parole-là en elle. Et la Bible nous dit qu'on instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et par conséquent, la parole qu'on a dite, sa grand-mère n'a pas eu besoin de lui réciter toute la Bible. Elle lui a seulement dit, la fin de ce monde, c'est le monde qui va s'arrêter à un moment donné. Alors là, ça pose au questionnement. Si le monde s'arrête aujourd'hui, où est-ce que je partirai? Qu'est-ce qui sera après moi? Comment est le monde dans lequel nous serons? Ces questionnements-là poussent à rechercher Dieu. Vous voyez? Donc, dans chacune de nos vies, il y a les interventions de Dieu. Quand bien même nous sommes dans le péché, quand bien même nous sommes dans le monde, Dieu nous montre sa grâce. Il nous tend sa main. Il nous montre effectivement qu'il est avec nous, mais qu'il n'aime pas ce que nous faisons. Quand nous commettons le péché, nous rentrons quelque part. Vous voyez, votre cœur commence à vous poser des questions. Vous savez que vous ne devez pas faire cela. Voilà les signes de son appel à la repentance. Vous voyez? Pour d'autres personnes, il leur donne la révélation directement, ça, bam, dans la vision, en plein route, quelque part. Mais à d'autres, il les fait venir doucement, doucement. Doucement, doucement, pour que leur cœur soit attiré par lui. C'est en ce sens-là que lorsque nous aimons le Seigneur de toutes les bonnes façons, c'est-à-dire que quand nous entendons ces cris de cœur, quand nous sommes connectés à lui, c'est difficile qu'on nous détache. Mais si vous êtes né, on vous entraîne dans la religion. Vous grandissez dans la religion, vous allez croire que vous êtes avec lui, alors que lui, il n'est pas avec vous. Donc, il y a différence entre l'appel de la religion et l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, le point de contact, c'est le cœur. Et quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez, vous pouvez le contacter. Notre Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 4, a dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit entre dans nos cœurs et nous attire au Père. Le Saint-Esprit entre dans nos cœurs et dit, viens à la maison. Viens à la maison. Le Père t'attend, ce n'est pas ta vie ça. Vous êtes avec les gens, vous buvez la bière dans les boîtes de nuit haute, vous asseyez là-bas, vous savez qu'on ne devait pas faire cela. Vous sortez, vous allez quelque part, vous restez seul, vous savez que vous ne devez pas faire cela. Même si vous voulez vous livrer à des excès, vous savez qu'on ne peut pas continuer comme les autres. Les autres se livrent sans se contrôler, mais quand toi tu veux avancer, quelque chose t'arrête. Pourtant, personne n'est à côté de toi pour te surveiller. Tu es sous le regard du Seigneur. C'est ça qui montre que tu es l'un de ses fils, l'une de ses filles. Alors, quel qu'en soit le cas, il va placer les moments, les choses au fur et à mesure, pour que tu puisses nous retrouver. Et la Bible dit, si tu me cherches, tu me trouveras à condition que tu me cherches de tout ton cœur. Donc, sans réserve. Quand quelqu'un est dans le péché, et qui me suit maintenant, par exemple, il dit, oh, comment faire savoir si Dieu m'écoute? Pour savoir si Dieu t'écoute, il faut écouter ce que ton cœur dit dans la vérité. Quand ton cœur te reproche dans la vérité, il te dit dans la vérité que tu ne devrais pas faire ce que tu fais, c'est la voix du Saint-Esprit parlant à ton cœur. Vous me suivez? Alors, nous tous ici, sans exception, Nous sommes nés dans le péché. Chacun a son histoire. Si chaque personne ouvre sa voix, il dit, oh, j'ai été appelé par le Seigneur comme ça. Chacun aura son histoire. Mais Dieu a une seule façon pour nous appeler, la grâce. C'est par grâce que chacun de nous est sauvé, par le moyen de la foi au Seigneur Jésus. Et donc le Seigneur Jésus-Christ donc, est la voie, l'unique, pourvue par Dieu pour la réconciliation à lui. Sans lui, on est tous perdus. Alors ce garçon dont je parlais tout à l'heure, la Nathanaël, quand on est venu lui dire, viens, il y a quelqu'un dont Moïse a parlé dans la loi. Il a dit, peux-tu venir de Galilée quelque chose de bon? Pourquoi il pose la question? Parce qu'on a eu à les tromper. Donc, même comme dans notre situation maintenant, ici en Belgique, vous pouvez aller n'importe où, on voit, et ce n'est pas seulement le cas de la Belgique, partout, c'est pollué. Vous voyez, au point où quand vous allez vous dire à Dieu, à quelqu'un que viens, venons partager la parole, c'est comme ça que les pasteurs là commencent. On a toujours eu partagé, j'ai connu un pasteur qui a porté la parole comme ça, mais qui a fait telle ou telle chose. Mais André lui a dit, viens et vois. Donc, viens être témoin par toi-même. Il y a des choix dans la vie qu'on doit faire. C'est pour cela que l'une des choses que je vois quand les gens fuient en disant comme excuse qu'ils ne veulent pas venir chez Dieu à cause de cela, ils disent, je connais tel pasteur qui a couché avec telle femme. Je connais tel pasteur qui prêchait comme ça, il a volé l'argent. Je connais tel pasteur, il a commencé comme ça, il utilise la sorcellerie. Ces excuses n'auront pas d'excuses devant Dieu. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un ne pourra pas dire que c'est à cause de tel pasteur que je ne veux plus suivre Dieu parce que c'est mauvais. Ok. Quand tu vois ces pasteurs faire ce qui n'est pas bien, la Bible n'a pas changé pour autant. La Bible n'a pas changé. Tu as ta Bible, le pasteur a sa Bible. Si le pasteur fait quelque chose qui ne va pas, que tu trouves que ce n'est pas bon, retire-toi, fais ce que tu dois faire. Et laisse le pasteur entre les mains du Seigneur. Donc quelqu'un ne peut pas quitter le camp de Dieu en disant que non, c'est parce que quelqu'un m'a fait quitter la foi. Ce sont des excuses qui ne pourront pas tenir devant Dieu. Alors, ça veut dire, ok maintenant, si vous trouvez un faux billet de 10 euros, il y en a des faux billets de 10 euros, n'est-ce pas? 100 euros et 200 euros, et surtout 500 euros qui est tant convoité. Est-ce que pour autant, quand vous découvrez qu'il y avait un billet de 10 euros qui était faux, vous n'utilisez plus le billet d'euro? Est-ce que vous n'utilisez plus le billet d'euro? Vous utilisez toujours. Vous dites, ok, j'ai voyagé et j'ai entendu qu'il y a eu un crash d'avion. Vous ne prenez plus les avions? Si. Vous dites, oh, on est dans un supermarché, là-bas il y a l'attentat. Vous restez désormais dans la maison. Vous n'allez plus dans le supermarché. Vous allez dans le supermarché. Donc, malgré qu'il y a le mauvais, il y a toujours des bons. Le mauvais ne doit pas nous empêcher d'avancer avec le Seigneur, le mauvais doit nous indiquer qu'il faut que nous fassions attention pour ne pas tomber dans le mauvais. C'est en ce sens que le mauvais est là. Le mauvais est là pour nous orienter vers le bon. Pour que vous discerniez que ici c'est mauvais, je dois éviter. Ici c'est mauvais, je dois éviter. Les voitures font des accidents chaque jour, mais pourtant nous prenons toujours les voitures. Tout en disant, Seigneur, préserve-moi alors que je suis en train de rouler, n'est-ce pas? Ok. Les pasteurs font du mal. Là maintenant, je dis, oh, je ne vais plus là-bas parce que les pasteurs font du mal. Est-ce que c'est tous les pasteurs qui font du mal? Est-ce que c'est tous les pasteurs qui font des accidents? Alors, dans ce cas, il dit, Seigneur, je vais te suivre. C'est toi que je vais suivre, pas un homme. C'est toi que je vais suivre, pas un homme. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Comme il te préserve de la voiture, vous ne pas l'accident. Comme il te conduit dans le supermarché pour que tu n'ailles pas là où il y a les attentes. Comme il te conduit dans les avions pour qu'il n'y ait pas un crash quand tu voyages. Ainsi, il te conduira et te protégera des lourds ravisseurs. Donc, mais avant tout, il faut aimer le Seigneur. Il faut vérifier si ton cœur aime le Seigneur. Si c'est le Seigneur que vous aimez. Il va se laisser trouver. Amen. Mais quelle est la certitude que nous l'aimons? Dès le départ, quand il nous attire à sa parole. Parce que sa parole est la vérité. On ne peut pas le connaître mieux sans la parole. Même si le Seigneur vous apparaît en songe, même si vous donne des révélations audibles, tôt ou tard, il va vous conduire dans sa parole. Parce que c'est sa parole qui garde, qui est le garde-fou pour nous garder dans ce monde-ci. Pour qu'on sache si on est trompé ou pas. C'est sa parole, c'est lui qui l'a donné. Amen. Nathanaël donc est venu avec André à la réunion où Jésus est en train de parler comme je vous parle maintenant. Quand le Seigneur s'est tourné là-bas, il a vu, il dit que voici un Israélite en qui il n'y a point de faute. Il dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il dit, avant que André ne t'appelle sur le... Quoi que Philippe ne t'appelle sous l'arbre, je t'ai vu. Il dit, comment quelqu'un peut être ici me voir sous l'arbre? Il ne dit pas, je t'avais vu, il dit, je t'ai vu. Donc le Seigneur connaît toutes nos déviances. Il connaît tous nos manquements. Il connaît tous nos péchés. Et ça nous pousse donc à chanter dans ceci avant de continuer. Cap ici là. Voilà. On va chanter, d'accord? Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes soucis, il connaît. Ta situation, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Tes faiblesses, il connaît. Tes péchés, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Même ton cœur, il connaît. Ton travail, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Amen. Amen. Il n'y a rien à cacher devant lui. C'est pour cela que vous, on doit seulement s'allonger devant celui de qui nous devons lui rendre compte. On ne peut pas cacher, on ne peut pas vivre une vie cachée où je prends la Bible, je lis et puis par derrière, je fais autre chose. Ça ne marche pas avec lui. Si vous êtes son enfant, il vous livrera tôt ou tard un spectacle pour briser cette partie de vie-là. Alors quand le Seigneur l'a vu, il a dit, avant que Philippe ne t'appelle sur l'arbre, j'étais vu. D'où mais connais-tu? Jésus lui dit, avant qu'il ne t'appelle sur l'arbre, j'étais vu. Donc il le connaît. Dans Jean chapitre 5, il y avait un homme malade depuis 38 ans. La Bible dit, et Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc, Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Il connaît sa situation. Jésus nous connaît tous ici, sans exception. Il connaît où nous amène. Il connaît nos forces, nos faiblesses. Et c'est l'une des choses que les gens ne parviennent pas à comprendre. Que, un, lorsqu'on vient à Christ, on ne fait pas quoi que ce soit par notre propre force. Il faut s'appuyer sur lui. Vous voyez comment le frère, il est appuyé là. Il appuie, c'est parce qu'il fait confiance que cette chose-ci est solide. Je m'assois ici, je m'abandonne, parce que c'est solide. C'est comme ça qu'il faut s'abandonner à notre main, le Seigneur. Oui, je me couche là avec mon dos, je sais que c'est parce que j'ai confiance que ça va me soutenir. Si ça balançait là, je devais faire comme ça, parce que j'ai peur que je tombe. Jésus, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance que dans le mauvais et dans le bon moment, il est avec nous, parce que c'est pas grâce. Il nous amène comme les enfants. Vous avez des enfants avec vous, vous les lavez, ils sont propres, deux minutes, ils tombent dans la saleté. Est-ce que pour autant vous l'abandonnez dans la saleté? Non. Vous le prenez, vous corrigez l'enfant, vous changez, vous nettoyez la saleté, vous ramenez encore ce qui est neuf. C'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. S'il entre avec nous dans la contestation, psaume 104, alors c'est dans le livre d'abord. Merci Père, que ta grâce et ta bonté soient sur nous. Allons dans le psaume. Prenons le psaume 103 d'abord. Le psaume 103. On y va? Psaume 103. Oh, j'aime quand il est en russe, là, ça me plaît. Il fait rouge, chaud, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Psaume 103. Tu y arrives? Ben, en fait, les psaumes pas les mêmes. Numéro. Ah, le même pas numéro. Oui, c'est décalé. C'est décalé. Oui, je ne sais plus lequel. Ok, mais lis le premier, lis le verset deux voix. Mais si tu me montres comme ça, je peux le voir. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Ah, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Donc, soit c'est le 104, soit c'est le 105. Oui, c'est ça. Le 100? Voilà. Le 104 chez toi. Oui, 104. Mm-hmm. Oui. Attends, je... Ah non, c'est en français. En oui. Français. Oui. Et si je n'ai pas marqué. Donc. Oui, c'est 104. C'est 104. Il est trop long. Il est trop long, oui. Non, c'est 104 qui est long. Oui. 103, c'est 22 versets. Pourquoi? C'est combien là-bas? 22 versets. Ah, montre-moi la 22 versets. Tu vois, ça veut dire le découpage chez toi n'est pas bon. Enfin, c'est on n'a pas bien découpé. 103 ici, 22. C'est la fin. Ah non, c'est pas 104. Donc rentre dans la 103 alors. Ah ben 103 là, c'est quand c'est 35 verset. Ah non, c'est. C'est quoi ça dit quoi ici? Celui-là, 22. Donc ça correspond. Ah ouais, oui, c'est 22. C'est dernier. Oui, voilà. Donc ça, ça correspond à 102 chez toi. Ok. Donc ça veut dire que le décalage, c'est comme ça. C'est, oui. Ça veut dire que si elle donne un somme ici, tu vas à un somme derrière. Un somme d'avant. Oui, mais chez toi, donc c'est combien de sommes? 150? Tous les sommes, c'est combien? Le dernier, je ne sais plus. 100. Comment ça se dit le somme en russe? 100. 150. 150 toujours, mais c'est quand même terrible. Ouais. C'est quoi? Quel est ton problème? C'est toi, c'est quoi? Ah non, mais tu vas te faire mal avec ça. Oui, ok. Le verset 1, qu'est-ce que ça dit? Ah oui, c'est ça. Mmh. Лиалоа Рис. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, n'est-ce pas? Mon âme bénit l'Éternel. Parce que c'est lui qui fait quoi? Qui pardonne tous mes péchés, c'est pas ça? C'est la sécurité, non? Comment vous me regardez encore comme je suis? Amen. Oui. Celui qui pardonne les iniquités. Et qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui, verset 4 dit, c'est lui qui délivre ma vie de la fosse et qui me couronne de bonté et de miséricorde. Vous avez vu cela? Oui. Donc, nous voyons effectivement que ici, Dieu dit, c'est lui qui traite ces choses dans nos vies. C'est lui qui fait telle chose, il nous guérit. C'est lui. Alors, nous voyons effectivement que en réalité, nous n'avons rien à faire. Quand n'importe quoi nous arrive, Dieu, c'est lui qui veille sur nous. Il nous guérit. En fait, nous n'avons en fait bien à faire que de dire, Seigneur, me voici, fais comme tu veux. C'est tout ce que nous avons. Fais comme tu veux. Mais nous sommes souvent têtus plus que le... C'est pour l'une des raisons pour lesquelles ils appelaient les brebis, les moutons. Parce que les moutons, quand il fait soleil, quand il y a des difficultés de manger, de boire, vous allez récupérer le mouton, vous allez confirmer comment le mouton fait. Alors, ça veut dire, nous sommes en réalité têtus, rebelles. C'est ça qui doit nous discipliner. Amen. Amen. Donc, il faut que je dise d'abord des choses calmement, doucement, avant que nous voyons ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui. D'accord? L'une des choses les plus simples et les plus terribles dans le christianisme, c'est que lorsque nous faisons un pas vers la direction du Seigneur, sa lumière présente notre ténèbre. C'est-à-dire, il éclaire notre vie au point où nous voyons comment nous sommes souillés. Et nous devons faire un choix de continuer à marcher dans ces ténèbres, d'avancer avec lui, parce que lui, il est saint. Et il n'y a pas entre lui la mixité entre la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est la lumière. Les ténèbres, c'est les ténèbres. Donc, et il n'y a pas de trace des ténèbres qui entrera chez lui. Il est saint, et comme il est saint, il veut que tout ce qui vient à lui soit saint. Dans la Bible, il dit, soyez saints parce que je suis saint. Mais qu'est-ce que les êtres humains disent? Il dit, non, personne ne peut vivre sans péché. Mais il dit, soyez saints. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est à nous de nous approcher à lui pour qu'il nous nettoie au fur et à mesure. Nous devons nous approcher du Seigneur. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il approchera de vous. Allons dans la Bible de Jacques maintenant, Jacques. Allons dans la Bible de Jacques. Je vais vous dire quelque chose là maintenant avant qu'on... S'il plaît à Dieu qu'il nous donne un sujet maintenant pour lequel nous allons travailler. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Je suis content d'être dans votre pays. Je suis content d'être dans votre pays. Et je prie que notre passage ici produise des fruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Dans le livre de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Oui. Vous y êtes? Jacques, chapitre 4. Tout le monde y est? Je crois que vous avez donné la... Elle a trouvé Jacques. Oh ben, c'est pas incroyable ça. Ça ne c'est pas dans le même ordre. Vous ferez mieux. Oui, ok. Donc quand vous ouvrez, vous donnez la page, d'accord? Vous y êtes 1034 dans la BJC. Je crois qu'avec le téléphone, pourra bien ouvrir. Mais le problème, c'est que ton téléphone, chaque fois, ça va en veille, ça va verrouiller. Ok. Ah ouais, mais c'est ça, ça va. Alors maintenant, regardez le verset 8. Le verset 8 dit, approchez-vous des dieux. Donc nous avons un ordre de nous approcher des dieux. Ren, tu es en train de voir la même chose? Voilà. Approchez-vous des dieux, et puis on dit, on promesse, et il s'approchera de vous. Puis dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous avez vu ça? On doit faire un pas vers Dieu. Quand on fait un pas vers Dieu, il s'approche de nous. Comment est-ce que Dieu s'approche de nous? Lorsque vous approchez de Dieu de la bonne façon, dans la repentance, première chose, il ôte vos péchés. Vous savez que vous êtes pardonné. Lorsque vous lui avez demandé pardon, amen, vous savez que vous êtes pardonné. La plus grande chose, la plus grande bénédiction, la première des bénédictions qu'un être humain puisse avoir devant Dieu, c'est que Dieu accepte le pardon de ses péchés. Amen. Parce que si Dieu retient votre péché, vous êtes fini. Si vous dites pardon à Dieu, vous demandez pardon à Dieu, il le dit, il dit, je ne te pardonne pas. Tu n'as plus rien à foutre. C'est l'enfer qui t'attend. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors lorsque vous êtes devant, dans la repentance, vous dites, Seigneur, daigne me pardonner pour ma vaine manière de vivre, pour mon péché, et Dieu vous donne la paix sur le cœur pour montrer qu'il vous a pardonné. Ça, c'est la première des grandes bénédictions que l'être humain puisse avoir. Maintenant, les Européens, et ce n'est pas le cas des Européens seulement, beaucoup de personnes essaient de vivre dans le réel, dans le naturel. Ils croient que le luxe, s'ils ont le compte bancaire rempli, ils ont le travail, ils ont les enfants, ils ont un statut social bien, ils croient qu'ils sont en forme. Mais à l'intérieur se trouve quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Le manque de paix. Si tu n'as pas la paix, tu es le plus misérable. Amen. Tu vas avoir le bien matériel, tu ne dors pas bien. D'autres dorment, le cauchemar, parce qu'ils ne sont pas en paix. Mais d'autres font comme ça, ils ne peuvent pas chercher quel est le problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent chercher le psychologue. Le psychologue leur dit, ah non, tu as des problèmes psychologiques dans ton ancienne vie. On commence à se faire les pendules devant toi comme ça, tes yeux font comme ça, là, comme pour niquer l'as, comme ça, et tu t'endors. On appelle ça hypnose. On t'hypnotise pour entrer dans tes pensées et faire ressurgir les émotions. Ils appellent ça le moi qui a caché des choses. C'est la sorcellerie. Ce qu'il faut, c'est le prince de paix. Cette paix-là, ça ne se trouve qu'en Jésus, notre Seigneur, qui est le prince de paix. Sans Jésus, le monde est voué à l'échec. Sans lui, on est pourri. C'est pour cela qu'un être humain, comme vous entendez chaque fois ici, vous voyez quelqu'un qui a fréquenté, a fait l'aviation. On a dépensé des centaines. Imaginez combien la formation d'un pilote peut coûter. On finit de le former. Il quitte un de ses jours. Il prend l'avion. Il peut bombarder une autre personne. Quelque chose ne va pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le prince de paix. S'il avait le prince de paix lui aurait dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça montre qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Et là où il n'y a pas de crainte de Dieu, les gens sont plus farouches que les animaux sauvages. Quand il n'y a pas de crainte de Dieu, les hommes sont plus farouches que les animaux sauvages. Ça veut dire, il peut prendre un couteau et laisser jouer. Il te poignarde, il n'a pas de compte à rendre. Il peut voir quelqu'un mourir en route, il traverse au-dessus de lui, il avance, parce qu'il dit, oh, j'ai peur, ça peut être un piège du diable, il peut faire comme ça pour m'agresser. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur, on ne peut pas ressentir ce que l'autre ressent. On est froid, il n'y a pas l'amour sur le cœur, parce qu'il n'y a pas la paix. La personne elle-même ne s'aime pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve donc les marijuana, le LSD, les drogues, pour s'injecter. Elle s'injecte pour essayer de se créer un monde, un monde où ils vont vivre un peu en paix. Ils commencent à fumer. D'autres fument, d'autres boivent de l'alcool pour essayer d'oublier. Mais l'alcool dissipé, la cigarette disparue, le même problème est là et la personne va de pire en pire. On dit que la personne est stressée. Elle entre dans un stade critique de stress. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la solution au problème de l'humanité. Sans lui, l'humanité est perdue. Donc souvenez-vous, vous êtes dans un continent à froid. Comme l'amour se refroidit, l'iniquité doit s'accroître. Parce que l'amour et l'iniquité sont disjoints l'un à l'autre. C'est parce que l'iniquité s'accroît, l'amour est en train de disparaître. L'amour est en train de disparaître. Et quand l'amour disparaît, à l'absence de l'amour, il y a quoi, mes frères? Le contraire de l'amour, c'est la haine. Et s'il y a la haine, on n'est pas surpris donc qu'il y ait des attentats suicides. On n'est pas surpris donc qu'il y ait des meurtres. On n'est pas sûr qu'il y ait. Vous voyez des personnes âgées, qu'un jeune garçon va quitter, prendre le couteau, couper son cou. Une personne âgée. Il l'égorge comme si c'était un animal qui allait l'égorger. Sans état d'âme, sans avoir froid, et il prend soutien l'argent, peut-être 2 euros, peut-être 200 euros pour aller manger, mais il tue quelqu'un pour 200 euros. D'autres agressent les gens pour le téléphone portable. D'autres tuent pour prendre les médailles, les bijoux. Vous voyez comment l'être humain est arrivé? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le Seigneur. Et quand il n'y a pas la crainte du Seigneur, on sait qu'on ne doit pas rendre compte à qui que ce soit. C'est pour cela qu'ils essaient de se mettre dans les pensées européennes qu'il n'y a pas Dieu. Et comme il n'y a pas Dieu, par conséquent, je n'ai pas de compte à rendre à quiconque. Et par conséquent, on peut tuer parce qu'il n'y a pas Dieu. Les lois qui sont de voter seront contre eux bientôt. Parce que les lois vont conduire au libertinage, au point où même, que même les propres États qui ont de voter seulement ne pourront plus avoir de même mise sur personne. Il est temps de chercher le Seigneur. Il dit ici, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comme René a dit de faire, approche-toi de lui, il s'approchera. La promesse est faite. Comme tu t'approches, il s'approche. Puis il donne un autre commandement. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez-vous, homme irrésolu. De quoi est-ce qu'il peut être? Il dit, lorsqu'on vient chez Dieu, on a des mains de péché. Et là, il faut avancer dans la Bible pour savoir de quoi il est en train de parler. Qu'est-ce qu'il appelle par main pécheur? Là, il faut aller doucement dans la Bible pour savoir de quoi la Bible est en train de parler. Comment on ne voit pas le péché, on ne voit pas avec les yeux. Mmh. On voit les actions du péché. Mmh. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible déclare dans Romains chapitre 6 qu'on offre nos membres comme un sacrifice à Dieu. Vous voyez, les membres doivent être des instruments de justice. Là où on fait la fraude avec Romains, vous ne faites pas de fraude. Là où on doit faire l'iniquité, vous ne faites pas, vous ne participez pas. Il ne faut pas qu'il y ait l'iniquité quelque part, on voit ta contribution. En Afrique, il y a des gens qui vont chez les marabouts, les voyants, les médiums. Vous voyez, ici, il y a des médiums avec des bouts de cristal, des dizaines de bonnes nouvelles. D'autres prennent la main et regardent comme ça. Alors, quand il y a des problèmes, ils envoient l'argent en Afrique. Pourquoi on regarde chez les marabouts? Il a tendu la main dans l'iniquité, dans le péché. Par conséquent, sa main est souillée de péché. Vous voyez, il peut être ici comme ça, mais il a allé chez les marabouts parce qu'il a contribué dans le ténèbre. Lorsqu'on vient au Seigneur, on doit lui faire confiance chaque jour. Parce que, enfin, quand vous dormez, vous ne savez pas qui vous protège. Quand tu vas au lit, vous ne savez pas exactement quel moment le sommeil vous prend. C'est ainsi l'amour. L'amour peut vous prendre à tout moment sans que vous vous en rendez compte. Lorsque vous commencez à être conscient, vous vous réveillez. Dieu vous donne le sommeil. Il vous fait entrer dans le sommeil. Durant le sommeil, on peut vous faire n'importe quoi que vous arrivez. Vous voyez seulement comment vous êtes protégé. Le matin, vous vous réveillez. Et l'être humain croit que c'est la science. Dieu a tout programmé. Donc nous devons nous approcher de Dieu avec confiance, n'est-ce pas? Mais je vais encore dire quelque chose. Votre continent souffre d'amour sincère. Votre continent souffre d'amour sincère. Donc, même au milieu des chrétiens, quand quelqu'un dit « je t'aime », ce n'est pas l'amour dont la Bible parle. Parce que la Bible, l'amour dont la Bible parle, c'est l'amour qui pousse l'autre à souffrir pour l'autre. C'est-à-dire, si tu as des problèmes, je prends le problème à cœur comme si c'était mon problème. Cet amour-là, ça manque au milieu des chrétiens. Il faut que tant que cet amour, ce n'est pas l'amour vrai, c'est qui la Bible déclare « aime ton prochain comme toi-même ». Si cet amour ne se trouve pas au milieu des chrétiens, on aura des problèmes avec le Saint-Esprit. Quand tu dis votre continent, c'est lequel? Parce que je pense que c'est en Afrique, c'est la même chose. Cet aspect, ce n'est pas trop. Parce que déjà, dans la culture africaine, il y a l'entraide. Je peux avoir un cri la nuit ici, je vais chez mon voisin demander de l'eau. Vous pouvez le faire ici. Ah, donc vous voyez, effectivement, votre continent a des problèmes. Je peux voir quelqu'un en route, tout le monde, vous voyez, le feu est sorti sur quelqu'un, tout le monde se lève là de façon unanime, sans se connaître, on éteint le feu. Ici, il reste comme ça, il guette, il appelle le pompier, alors il ne sort pas de la maison. Pas vrai? Alors ces choses, ça ne doit pas se faire. Les barrières ont été construites. Ces barrières que vous voyez sur le plan physique sont des barrières qui sont là construites d'abord dans le cœur. Parce que d'abord, soi-même, c'est de l'égocentrisme accentué qui se trouve ici. Et malheureusement, les Africains viennent ici copier ces méthodes-là. On ne doit pas faire cela. Les Juifs, quand ils ont été dans les pays où Dieu les a amenés par suite de leur désobéissance, jusque-là, Dieu donnait les prophéties là-bas qui ne devaient pas imiter cette nation-là. Malgré que vous soyez dans ce milieu de cette nation, dans Jérémie chapitre 29, verset 13, verset 27, il dit qu'on cherche le bien, la faveur de la vie dans laquelle on est. Vous devez prier pour la vie, vivre dans l'esprit de vie, mais sans participer à leur style de péché. Mais il y a des Africains qui viennent dans d'autres continents aussi, ils viennent, ils se livrent aux abominations plus que les gens de cette même nation. Au point où un Africain arrive ici, il peut plus saluer son frère. Merci. Un Africain vient ici, il copie mieux encore, et quand il revient en Afrique, ils sont perdus parce que là-bas, c'est une autre façon de vivre. Vous ne devez pas imiter cela. Vous devrez savoir une chose. Un, Jésus n'est pas le Jésus d'un continent. Jésus n'est pas le Jésus d'une couleur. Jésus n'est pas le Jésus d'une race. Jésus est le Jésus de tous ceux qui l'invoquent sur la terre. Il n'est pas le Jésus des noirs, des blancs, des rouges, des bleus. Il n'en est pas. Dans l'amour, donc, il n'y a pas de barrière. Et par conséquent, quand il a dit « aime ton prochain comme toi-même », il n'a pas dit « aime ton prochain qui t'aime ». Non. Il n'a pas dit « aime ton prochain de la même religion ». Il n'a pas dit « aime ton prochain de la même église ». Il a dit « aime ton prochain ». Donc, quiconque, que ce soit ton ennemi qui a l'air de souffrir, il a besoin de tes compassions. Alors, la compassion a foutu le camp ici. Vous, les chrétiens, d'ici, vous ne devrez pas faire cela. Vous ne devez pas vivre comme ça. Vous devez vivre, braver si possible, même la loi de cet état, dans ces états où vous vous trouvez, pour manifester l'amour de Dieu. L'amour est ce qui brise toutes les barrières. Amen. Sans cet amour, vous ne pouvez pas manifester Christ. Vous ne pouvez pas manifester Christ. Vous voyez les gens, je passe dans les aéroports ici, dans les gares, vous voyez les gens qui sont possédés, assis partout, ils fument, ils cherchent, c'est les démons partout seulement. Ça sent. Il faut qu'ils rentrent chez moi. Il faut que, le temps que, avant que ça quitte là-bas, l'Allemand aura lieu, je serai parti. Parce que c'est, ça ne fait pas bon vivre ici. Ça ne fait pas bon vivre. Donc, dans mon cœur, il n'y a aucun désir de venir dans votre continent. Si ce n'est pas Dieu qui m'envoie ici comme ça pour venir parler ces choses, je ne viendrai pas. Parce que ça ne fait pas bon vivre ici. Vous saluez quelqu'un, il te regarde comme si vous avez le problème. Et Jésus nous a ordonné que de ne pas saluer seulement ceux qu'on connaît. Il dit, si vous connaissez, saluez seulement ceux que vous connaissez, qu'est-ce que vous faites de nouveau? Les païens, eux aussi, font recette. Vous voyez? Donc, je dois saluer tout le monde. En allemand, j'ai salué un monsieur, il m'a regardé comme ça, comme si j'étais un sorcier. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec celui-ci? Vous entrez dans le même ascenseur. Où tu ouvres l'ascenseur, tu bloques l'ascenseur. Il a même dit merci, il ne peut pas dire merci. Il te regarde dans les yeux, tu dis bonjour. Il te regarde comme ça, comme si vous avez des problèmes. Vous avez un problème, vous avez des problèmes. Il ne peut pas vivre comme ça. Les gens vivent dans des appartements côte à côte. Ils sortent le matin, pendant que chacun ouvre sa porte, ils se tournent, ils se regardent comme ça, ils ne se disent pas bonjour. C'est la sorcellerie, je vous dis. C'est la sorcellerie. Vous êtes dans quel... Vous êtes où? Quand Jésus dit, aime ton prochain, qui est notre prochain? Nous ne faisons pas comme ça, d'accord? Alors, nous sommes le sel de la terre. Là où c'est fade, salons cela. Nous sommes la lumière du monde. Là où c'est ténèbres, éclairons. Éclairons, éclairons, proclamons l'amour du Seigneur. Alors, vous voyez que ces choses-là, ça a contaminé même les chrétiens au point où chaque chrétien maintenant, c'est chrétien individualiste. Chrétien individualiste. Chacun a peur de chacun. Vous remarquez, je vais dans les aéroports, je m'assois, j'observe. Je vois que chacun se méfie de chacun. Vous asseyez, quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous, avec chacun met le sac, la peur. Vous regardez d'abord comme ça. Vous savez, il y a des Africains qui viennent, ils ont percé les boucles d'oreilles, ils sont d'abord avec les traits comme des anciens bandits. C'est ça. Alors quand ils s'assoient à côté de toi, tu get, vous voyez, j'observe, la blanche prend son sac, elle trace, elle va de l'autre côté. Que, hein, celui-ci, ça peut être celui dont on a annoncé à la radio. Personne n'a confiance à personne. Quand quelqu'un passe avec le sac à dos, s'il met le sang là-bas, il commence à courir. Chacun va commencer à courir dans toutes les directions. Parce qu'on a peur que c'est la bombe qui est là-bas. Ouais. Cette psychose-là fait de telle enseigne que n'importe quoi peut arriver. Or, la Bible déclare que celui qui a confiance au Seigneur n'a pas peur de ces choses-là. Amen. Mais le Christ se trouve en plein milieu. Ne faisons pas comme ça, d'accord? Donc, un, votre continent, l'amour est adressé au foyer à une extrémité. Il faut qu'on ranime cela. Donc, première chose, il faut que vous vous aimez les uns les autres. Amen. Comme le Seigneur a dit. Il dit à cesser tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour entre vous. Maintenant, je veux qu'on lise la prophétie du Seigneur Jésus dans le livre de Luc ici. Là. Luc. Lucas. Lucas. Lucas. Lucas. Lucas. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Lucas, chapitre 18. Lorsqu'on va finir, on va aller dans le livre de Matthieu, d'accord? Luc. Ok. Luc chapitre 18, le verset 8, qu'est-ce que ça dit? Je peux lire? Vous avez tout le monde lié, n'est-ce pas? Chapitre 18, verset 8, regardez. Je vous le dis, il leur rendra promptement justice. Puis le Seigneur dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez la question que le Seigneur a posée? Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Il se pose les questions. Jésus, dans le ministère terrestre, il y a cela 2017 ans, il s'est posé déjà la question que quand il va revenir, et chaque jour nous disons, chaque fois que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Lui, il s'est posé la question, quand je vais venir là, est-ce qu'il y aura la foi sur la terre? Pourquoi Jésus pose cette question? Pourquoi pose-t-il cette question. Comment le Seigneur peut poser la question que est-ce que quand il va revenir, il va trouver la foi sur la terre? Vous dites à quelqu'un, comment tu vas? Où est-ce que tu persévères? Je persévère dans telle église. Je persévère dans telle église. Le Seigneur va aller demander si les gens vont vivre la foi telle qu'il a prêché. La preuve, nous voici maintenant. À l'antipode de la Bible, nous avons avec nous la haine. Nous disons que nous aimons les uns les autres, mais dans la réalité, nous ne le faisons pas. Dans la réalité, nous ne vivons pas l'amour. Un chrétien ne peut pas venir chez un chrétien être à l'aise. Toujours en train de se méfier. Parce qu'on lui a injecté la semence de... C'est un peu comme... C'est le principe de Staline, ça. C'est Staline et Lénine, et Lénine qui a injecté cela en Russie. Où les gens suivaient, chacun était le suiveur de chacun. Où est-ce que ça a créé en Russie? Ça a fait que le continent est froid, ou même que même la terre est froide là-bas. C'est pas, on ne peut pas vivre comme ça. Ton voisin, tu viens ton voisin, tu vas saluer parce que tu crois qu'il est du KGB. L'autre se suivait, l'autre se suivait. Tout le monde est agent de tout le monde, tout le monde est agent des renseignements. Chacun a peur. Tu as même ta femme à la maison, tu dors, tu entends comment la femme marche avec les orteils pour aller fouiller ton porte-monnaie, pour chercher les renseignements. Et tu vas lui dire que tu l'aimes? Non. Jésus pose la question, lorsque le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? On doit répondre à ces questions. Vous et moi, nous devons répondre à ces questions parce que ceux qui ont écrit ça, Luc, il n'est plus là. Matthieu n'est plus là. C'est nous qui disons chaque fois que Jésus revient. Il dit, lui pose la question, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question est posée encore ici. Est-ce que quand il viendra, parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus pose la question, quand il va venir, est-ce qu'on sera en train de prêcher la même parole qu'il a demandé de prêcher? Ou mieux encore, est-ce qu'on sera en train de vivre la parole telle qu'il l'a dite? Parce que la foi implique automatiquement la parole. Chapitre 24, chapitre 25 de Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je vais lire les versets 9 à 14. Matthieu chapitre 24, versets 9 à 14. Si je lis, si ce n'est pas ça, tu me dis, d'accord? Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous voyez, vous appelez le nom de Jésus quelque part, vous avez des problèmes. Au travail, vous dites vous êtes de Jésus, vous avez des problèmes. Par conséquent, quand le chrétien, je dis, je suis sidéré. Le chrétien aujourd'hui est tellement conformiste au monde au point où on achète la magazine Elle, elle achète la magazine Elle. Fashion, elle achète Fashion. Parce qu'elle veut fashionner comme les autres font le fashion. Dans le métro, ils s'asseyent, les gens lisent leur fashion. D'autres ont laissé chercher le mot. Les mots fléchés, ils flèchent les mots. Il passe le temps, ça. S'il y a 2 heures de métro, il passe le temps à flécher. Vous voyez une maman qui a 80 ans. Elle, ce qui lui manque, c'est chercher la vie. Elle est en train de flécher les mots. Flécher les mots. Vous lui donnez la Bible, elle va bailler. Elle va dire que non, ça dérange. Mais elle cherche les mots que Satan lui a demandé pour l'embrouiller. Maintenant, le chrétien aussi entre dans le même métro. Il a sa Bible. Il a peur d'ouvrir la Bible. Parce qu'on va regarder un genre. Vous savez ce qu'il fait depuis que je suis chez vous ici? Quand je ne sais pas ce qu'il fait hier, non? On était dans le métro. C'est le métro, c'est le train. Enfin, on s'en fout, il roule sur les rails. De toute façon, j'ai enlevé ma Bible, j'ai déposé comme ça au milieu. Je suis assis, j'ai dormi tranquillement. La Bible est là-bas. Quand chacun part, il voit la Bible, il regarde d'abord ta tête, il dit que c'est les yeux là-bas. Mais la Bible pose des questions. La Bible pose des questions. Mais nous, chrétiens, nous voulons, nous cachons cette Bible. Nous ne pouvons pas, en public, nous ne pouvons pas sortir ça pour lire. Parce qu'on va vous regarder bizarrement. Il dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est prévu que si vous aimez Jésus, on vous hait. On dit toutes les nations, donc aucune nation n'est acceptée. Les chrétiens sont appelés à souffrir au nom de Jésus-Christ partout. Amen. Maintenant, regardez, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous avez vu les prophéties qui est écrites? J'ai dit que vous ferez mieux de ne pas être dans les mauvaises prophéties de la Bible. Faites tout pour ne pas accomplir les mauvaises prophéties qui sont prévues pour notre époque. D'accord? On dit que les gens se trahiront. Vous allez voir les chrétiens, vous dites que c'est eux là-bas, c'est ceux-là. Les voilà. Ils sont dans la chambre haute de Joseph là-bas à Namur. Allez dans telle rue. C'est un chrétien qui dénonce comme ça que les pauvres. Attendez que ça, quand ça va barder, vous allez voir. Puis on dit ici, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, un, il faut faire tout et tout pour ne pas être parmi les gens qui vont suivre le nom de Jésus. Deuxième verset, verset 10. Il ne faut pas être parmi ceux qui vont se trahir et se haïr. Troisième verset, il ne faut pas être parmi les gens, nous sommes verset 11, qui vont être séduits par les faux prophètes. Qu'est-ce que les faux prophètes font? Grande nuit de campagne d'évangélisation. Vous avez un problème de mariage, venez. Vous avez un problème de faux papiers, venez, on va vous donner le papier. On prie, si Jésus distribue le visa, vous parlez du visa. Alors, lorsque vous entrez dans ces choses, leur message maintenant tourne autour de la prospérité, du bien matériel. Donnez ici, Jésus va vous bénir. Donnez là, Jésus va vous bénir. Il faut qu'on arrête cela. Ils disent plusieurs, ils séduiront plusieurs. Et remarquez très bien que c'est là où la foule va justement. Ils aiment cela. Qu'on le dise, c'est ça. Donc faites tout pour ne pas être parmi les gens qui sont séduits. Verset 12 maintenant, écoutez. Et parce que, donc c'est une conséquence. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Où est le monde dans lequel on vit? L'iniquité se sera accrue. La charité, c'est-à-dire l'amour. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je pose la question. Dans quel côté sommes-nous? En Europe. On est en Europe, hein? Ouais. Ok, non, c'est clair. Mais le verset ci dit, l'amour du plus grand nombre. Donc, il y a un grand nombre de personnes dont leur amour va se refroidir. C'est Jésus qui ouvre sa bouche, il parle. Et s'il parle, il sait de quoi il parle. Premièrement, dans Luc 18, 8, nous avons lu, il a posé la question si la foi sera sur la terre lorsqu'il viendra. Ici, il prophétise qu'en fait, il n'y aura pas l'amour. Un grand amour manifesté, ce sera le refroidissement. Donc, c'est prévu que les gens ne s'aiment pas comme Jésus dit. Vous voyez cela? Et la Bible nous invite à être parfaits en amour. En réalité, ça implique pour l'enlèvement que les gens croiront qu'ils seront enlevés, ils ne seront pas enlevés parce qu'ils ne vivent pas l'amour parfait. On ne peut pas vivre la haine du cœur, vous espérez être enlevé. On ne peut pas vivre un peu de foi, vous espérez être enlevé parce que c'est par la foi dans toute la totalité de l'œuvre accomplie à la croix et ses conséquences et sa vie que nous amènera dans l'enlèvement. Vous voyez? Parce que Jésus a dit que quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura la foi sur la terre? Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme. Alors je vous pose la question. Est-ce que nous sommes dans ce grand homme dont l'amour est refroidi? C'est qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller pour ne pas se comporter comme les autres. Mais de vivre l'amour comme le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 35 à 37. Il a dit que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il n'est pas dit, lorsque vous portez les touches avec le gant blanc, on saura que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit quand vous allez coiffer vos avec les cheveux, on saura que vous êtes mes disciples. Non. Il a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il dit, si vous avez l'amour les uns les autres. C'est ce que Jésus a dit. Donc, la marque des disciples du Seigneur Jésus, c'est l'amour. Et cet amour dont Jésus parle, il n'a pas dit, mon frère, je t'aime, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas ça. Ça, l'Église catholique fait mieux. Il dit, donnez-vous la paix. La personne fait comme ça. C'est l'Église catholique, on fait comme ça. Que je te donne ma paix. Je te donne ma paix, mais ici, c'est la guerre. Oui. C'est pas vrai, ça, n'est-ce pas? C'est l'hypocrisie, ça. Je sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que vous ne pouvez pas avancer en amour sans que vous ayez un cœur qui pardonne. Si on vous a fait n'importe quoi, vous devez pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous n'avancerez pas un pas dans la foi. Oh, il m'a fait comme ça, il m'a fait des promesses, il m'a détruit. J'ai dit, pour Dieu au monde, je ne veux plus lui parler. À cet instant, Dieu ne te parlera plus. Vous fermez votre cœur à quelqu'un parce qu'en manque de pardon, Dieu ferme accès à la prière. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et chaque personne, même le catholique, quand il récite sa même endormant, il récite comme ça, il dort avec quelqu'un sur le cœur qu'il a attaché. Il ne comprend pas ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Donc il faut pardonner, n'est-ce pas? Pardonne-nous nos offenses. Pointe quelqu'un dit pardon les offenses. Quand quelqu'un dit pardonne les offenses, il y a quelqu'un qui pardonne les offenses. Quelle que soit ce qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Tu es obligé de pardonner parce que ta vie en dépend. Voilà. Vous entendez cela, n'est-ce pas? On doit pardonner. Jésus pose la question, j'ai regardé bien. Quand il viendra, y aura-t-il la foi sur la terre? Manifestement, non. Ça veut dire. Peu seulement seront enlevés. Ça implique que peu seulement seront enlevés. Regardez toute l'Europe. Regardez, on dit la France est une nation chrétienne. Le président de la République se tient là et dit la France est chrétienne. Mais lui, il est franc-maçon. Quand il vient, d'autres vivent dans l'adultère. D'autres vivent avec le petit ami, il appelle sa compagne. Il ne veut pas dire qu'il vit avec son petit ami, donc le partenaire de péché. Donc on essaie d'arranger les mots pour ne pas dire péché, quoi. Puis, ils disent qu'ils vont dans le nouveau ordre mondial. Ils disent qu'ils sont la nation chrétienne. N'est-ce pas la sorcellerie? Alors, ça veut dire qu'une nation n'est pas chrétienne. Les individus dans cette nation doivent être chrétiens. Amen. Oui, les individus doivent être chrétien. Alors maintenant, si on vient ici, à, par exemple, en Belgique, ici, on dit qui sont ceux qui sont chrétiens. Dimanche, vous pouvez les remarquer. Vous allez voir, je suis catholique, il m'en vais là-bas. Je suis protestant, il m'en vais là-bas. Je suis évangile, ouais. Il m'en vais là-bas. Voilà comment on reconnaît le chrétien. Mais la Bible dit les marques des 20 enfants du Seigneur sont connus par l'amour parce que Dieu est amour. Amen. Il y a des gens qui viennent, les pasteurs même qui prêchent, mais vivent dans le faux. Des pasteurs qui prêchent, là où je sens de vous parler, dans notre pays, qui ont de faux papiers. Il y a des pasteurs qui, ceux qui viennent ici, disent qu'ils sont réfugiés politiques. Alors qu'on ne les a jamais rien fait au pays. Même le gouvernement ne les connaît même pas. Ils ont fait des faux papiers pour venir. Ils mentent là qu'ils sont réfugiés politiques. Même la politique ne connaît pas. Dans un parti politique dans son pays, on ne connaît pas. Mais presque que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, mon frère, donc t'as dit, après dit, les dit. Oui, ce sont les commerçants. Ce sont les commerçants. Ça doit changer, d'accord? Vous devez faire la différence. Souvenez-vous, votre différence, ce n'est pas pour leur dire, vous avez fait le faux. Non, ce n'est pas ça dont je voulais parler. Je leur ai dit, réformez vos vies. Amen. Vivez comme la Bible le dit. Comme ça, quand les autres vont te voir, s'ils disent, oh, j'ai rencontré tel frère, tel pasteur, il m'a trompé. Vous leur dites la vérité. Amen. Que comme, malgré qu'ils aient fait cela, il y a des gens qui vivent la Bible telle que la Bible le dit. Il y en a des gens. Parce que s'il y a le faux, il y a le vrai. Parce que les faux prennent du vrai pour parler. Alors si Jésus a donné ces paroles-ci, il a dit, le verset 14 dit, regardez là, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus n'a pas dit que ça sera prêché pour que les nations se convertissent. Il dit que ça sera prêché pour servir de témoignage. On va prêcher, il y a des gens qui vont croire, des gens qui ne vont pas croire. Lorsque la quantité de prédications, comme Dieu a jugé, sera suffisante dans la nation, il arrêtera ce système. Et donc là, lorsque le Seigneur Christ dit comme ça se pose sur la terre, il y aura des gens pour répandre l'évangile. Amen. Et s'il y a des gens pour répandre cet évangile, ce que c'est des témoignages, ça veut dire qu'il y a des témoins de Jésus toujours sur la terre. Amen. Autrement Amen. Dit, il y a des gens qui vivent cette parole comme il a dit. Donc il n'y a pas que les faux. Il y a aussi les vrais. Amen. Et vous aussi maintenant, soyez du. Enfin, choisissez votre côté, vous choisissez quoi? On ne choisit pas le vrai comme ça seulement que la bouche. Parce qu'eux-mêmes disent que Jésus revient bientôt. Même le faux disent là. Les faux n'ont jamais lu ici en disant que Jésus n'est pas allé à la croix. Ils disent que Jésus est allé à la croix. Si, si. Les faux n'ont jamais dit que Satan est Seigneur. Non, non, non. Ils disent Jésus-Christ est Seigneur. Mais ils cherchent l'argent. Donc, quelle est la différence donc, entre vous qui dites Jésus-Christ est Seigneur et lui qui dit Jésus-Christ est Seigneur? Vos vivants doivent prouver que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que la Bible dit, dans 2 Timothée 2,19, que ces deux paroles sont les servent des sceaux. Quiconque prononce son nom. Qui s'éloigne du péché. Iniquité. Il y a l'iniquité. Donc on dit Jésus-Christ. Jésus-Christ veut dire Dieu est sauveur. Alléluia. Et il sauve du péché. Il sauve du péché. Et bien non, vous ne pouvez pas dire Jésus-Christ en vivant dans le péché. C'est quelque chose ne va pas avec l'humanité. Alors là, nous sommes donc mal barrés. Je peux parler dans le sujet maintenant. Ça c'était l'introduction. Nous allons commencer. Amen. Nous allons voir dans le sujet. Le choix est difficile pour suivre Jésus. C'est ça dont nous allons parler maintenant. Le choix difficile. Encore, je peux oui, oui. Redemander. Oui. Parce que j'ai raté, tu parlais vite. Oui. On était sur le chapitre pour les mains. Les mains. Les mains. Les mains. Oui, j'ai dit ça. Il y a des enseignements profondément sur ça. Joseph va te donner les enseignements. D'accord. Il y a beaucoup d'enseignements. Vous avez 600 enseignements pour les mains, le cœur. Comment nettoyer le cœur? Oui, oui. Nettoyer le cœur, d'accord? Les mains et le cœur. Le cœur. Oui, parce que, par exemple, avec tes mains, les mains sont le signe d'association. De quoi? Regarde. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai salué. Agrément. Ouais. Donc, je suis en agrément. Oui. En association avec ton nom, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, si il dit, salut moi, je t'étends la main, tu fais comme ça. Donc, tu n'es pas d'accord avec moi. Tu vois cela? Donc, les mains, c'est le signe d'association. Oui. Ça suppose que si il dit, c'est que ça veut dire que tu acceptes. Oui. Donc, ça veut dire que si ça lui fait une œuvre, il fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est qu'il est toujours jeune. Si je t'en fais quelque chose, tu es d'accord avec moi, tu participes à ces choses-là, ouais. Tu as donné ta main là-bas. Donc, si c'est le péché, tu as trempé tes mains dans le péché. Ah oui. Tu vois ça? Ah. Ah oui. Donc, ça veut dire que si tu as donné le conseil à quelqu'un pour que, par exemple, il y a des filles qui tombent enceintes, elles ne peuvent pas avorter. Si tu le dis seulement comme ça, tu dis, tu vas comme ça, dans la rue de gauche là, puis tu tournes à droite, il y a un médecin là-bas qui peut te faire avorter. Mmh. Qu'est-ce que ta main a fait? Ta main a indiqué là un endroit d'iniquité. Si. Tu vois? Donc, il y en a plein de choses pour montrer comment participer. d'accord. Ouais. Donc, si tu dis seulement à quelqu'un que va comme ça, cette main, la Bible déclare que cette main doit servir pour la justice. Amen. Donc, pour rien au monde, tu ne montrerais l'endroit des marabouts chez quelqu'un. Ah. Vous voyez? Maintenant, tu dis, ok, je vais ouvrir l'alcool, si j'ouvre l'alcool, si je te sers, ça, tu bois. Il voit le premier verre, il devient alcoolique plus tard. C'est, le premier verre, c'est toi qui lui as servi. Ah, ouais. Ta main a servi l'iniquité. Ah, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, et la Bible donc dit qu'on ne prenne pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. On doit les condamner. Voilà. Donc on ne participe pas. Oui, oui. Voilà. Les empreintes digitales, là, chacun a son empreinte digitale. Oui. Si je touche ton vêtement, je vais. Si on fait un bon appareil, ça peut repérer que j'ai touché ton vêtement. Oui. D'accord? Maintenant, même si on efface ça humainement parlant, Dieu sait que j'ai touché ce vêtement. Oui. Et donc là, s'il y a quelque chose de mal que j'ai fait sur la terre, ma main a touché, il y a mon empreinte dessus. Même si l'homme ne le voit pas. Oui. Vous voyez? Chacun entre dans sa maison aussi en arrêtant le poignet. Tous ceux qui ont déjà touché le poignet, là, on les empreinte là-dessus. Oui. Donc ça veut dire que mon empreinte est quelque part. Si j'ai eu à participer à une œuvre, mon empreinte est quelque part. C'est pour ça que Dieu a fait que chacun ait son empreinte. Pour que personne ne dise qu'il était, il était innocent. Oui. Parce que l'empreinte digitale, lorsqu'on confronte à... dans le crime, dans la criminologie, lorsqu'on te son empreinte est là, on dit clairement que même ton empreinte, on comprend, on dit c'est toi. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même empreinte. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc l'empreinte est le signe distinctif si oui ou non tu as participé. D'accord? Donc nous allons voir donc maintenant les quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le choix difficile. Le choix difficile pour suivre Jésus. S'il était difficile au temps des apôtres, à la venue du Seigneur Jésus, à la première venue pour suivre Jésus, maintenant encore, il est encore davantage parce que des paramètres tout autour de nous qui nous entourent sont encore davantage plus attrayants. Le péché est très attrayant. La mondanité est très attrayante. Nos familles sont très précieuses. Le travail est très précieux pour nous captiver hors de la vie des foi. Amen. Notez Luc chapitre 9 et chapitre 14. On va aller là-bas, on va se balader. Nous allons commencer par le livre de Luc au chapitre 9. Que Dieu vous bénisse. Donc, t'inquiète, la personne pour qui tu contrôles est sous contrôle, d'accord? Que tu intercèdes est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit, ma chère? Pourquoi tu ris, ma chère? Oui. Mais en voyant ici ce que Dieu fait, tu pries que Seigneur fait aussi pour telle personne, non? Comment tu fais cela? C'est quoi, ma soeur Christiane? Dieu est bon, n'est-ce pas? Il a dit qu'il est sous son contrôle. Ne pleure pas, d'accord? Le Seigneur est vivant. Donc, quand elle a localisé la grâce qui a localisé celle-là, elle a entré, ne pleure pas. Quand tu prends le mouchoir, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il est au courant de chacun de nous ici. Il est au courant. Donc, pour continuer la prédication, il m'a seulement dit que cette personne est sous son contrôle. Amen. Donc, pendant qu'on parle là, elle est dans l'intercession. On a vu comment le Seigneur a localisé sa maman. Elle dit, Seigneur, monsieur, je sens le prêcher, son esprit a de me déranger. Monsieur, ça ne va pas là. Hein, ma sœur, il est là. Je n'ai pas peur de moi, je suis le frère Junior. Mais non. C'est quoi alors? Rien. Ah ben voilà. Donc le Seigneur t'aime, d'accord? Il écoute tes prières, tes cris, tous tes pleurs que tu as pleuré, ce n'est pas au hasard. Ça va agir, d'accord? On continue ici. Vous savez, c'est celle-ci là, ça pénètre plus que les. Ça pénètre. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante. Excuse-moi, c'est Luc. Luc chapitre 9, puis on va aller au chapitre 14. Souvenez-vous du titre. Il est sous contrôle. Tu veux parler, ma chère? Libère-toi donc. C'est trop, n'est-ce pas? C'est un poids que tu portes depuis. Spécifiquement pour moi, c'est ma petite soeur. Oui. Elle est venue de Cameroun dimanche pour passer les vacances avec moi. Mais elle a quitté ma maison hier. Oui. C'est dans une mauvaise situation. Oui, dans les conditions. Oui. Dans les situations. Oui. C'est quelqu'un qui m'a jamais aimé. De certaine manière, elle ne m'a jamais respectée, elle m'a toujours écrasée. Mmh. Et très souvent, j'ai laissé faire pour avoir la paix. Quoi. Moi, j'ai laissé vraiment faire pour avoir la paix. Et je ne sais pas, avant-hier, j'ai craqué. je sais que tout est spirituel et que quand surtout que j'ai tout lâché plus sur le Seigneur, ça vient jamais plus. Depuis que j'ai vu ma vie, Seigneur, elle a un côté plus particulièrement difficile envers moi. Mmh. Et elle est venue à la maison et elle me reconnaît sur plein de choses. Et bon, j'ai rien dit, mais l'autre jour, avant-hier, elle s'est mise à contester la façon dont j'éduque mes enfants. Et je sais pas, c'était pour moi la goutte de trop. Et j'ai dit, là, je peux pas te permettre de me reprendre la façon dont j'éduque mes enfants devant eux en plus. Mm-hmm. Je sais pas par quoi on est passé, ce que le Seigneur a fait pour nous, moi et mes enfants. Et notre Jésus, c'est tout pour nous. Donc, je ne peux pas les éduquer hors de ça. Mm-hmm. Je peux pas les faire voir, bien vivre une vie alors que je sais ce que le Seigneur a fait pour nous, tu vois. Et c'est ce qui m'a beaucoup blessée, c'est qu'elle m'a reprise devant les enfants. Tu vois, je me suis dit, j'ai réagi de manière instinctive. Parce que les autres fois qu'elle me piquait, je mettais mon cœur devant Dieu, je me rabaissais. Oui. Mais là, j'ai craqué. J'ai dit, mais non, je ne peux plus te permettre ça. Et j'ai dit, je suis ton aînée, c'est bon, mais non, même si je suis une chrétienne, tu me dois du respect, je suis ta grande sœur. Tu n'as pas le droit de me parler. Puis elle s'est mise dans tous ses états devant mes enfants, crier dans la maison, crier dans le quartier, crier. Et j'ai craqué. Je lui ai dit, tu n'es pas contente, tu peux partir. Tu peux partir. Elle a claqué la porte. Oui, elle m'a dit, je pars. J'ai dit, tu pars comme tu veux et tout. Et ça a vraiment mis la famille dans tous les états. Ma mère, qui sait ce que je vis aussi depuis, a dit, oui, c'est bon, tu peux la laisser. Laisse-la parce que c'est un peu trop, tu as assez donné. Mais quand tu parlais, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je vais. Moi, mon mari me dit, mais ta soeur, tu n'as pas des nouvelles de ta soeur. J'ai dit, je sais que c'était de trop, tu vois. Mais en même temps, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas. Peu importe le prix à payer, s'il faut encore me rabaisser pour toi, je vais le faire. En même temps, je ne sais pas si c'est la solution de me rabaisser encore et d'aller la chercher. Donc reste juste tranquille. Il a dit qu'il est sous son contrôle. Il va l'amener vers lui, d'accord? Donc reste que tu recrutes ton cœur soit en paix. Maintenant, quand tu as vu le Seigneur parler à celle-ci tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit? C'est vrai, quand je la vois comme ça, ça me rappelle. Du moins, j'aimerais la voir comme ça. Et j'ai vu l'amour de Dieu aussi. Quand je l'ai vu, je pense. C'est l'amour. J'étais comme ça. Oui. Le Seigneur va la ramener. Le Seigneur va la ramener, d'accord? Seigneur. Le Seigneur va la ramener. Donc, tu restes tranquille tout simplement. Tu remercies le Seigneur. Dieu va la ramener. D'accord? D'accord, je reste tranquille, Dieu va la ramener. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Voilà l'une des choses pour montrer que c'est difficile de suivre le Seigneur. Vos premiers ennemis seront à côté de vous. Satan va les utiliser. Les personnes que vous aimiez ou dont vous pensiez aimer vont se lever contre vous. Pas de leur gré, mais parce que leur esprit et votre esprit deviennent nouveaux. Mm-hmm. Leurs principes et vos principes deviennent nouveaux. Et là, il y aura ce qu'on appelle l'antagonisme, le choc. Et dans ce choc-là, vous devez soit tenir, soit craquer. On y va? Baladons-nous avec le Seigneur Jésus. Amen. Et laissons ces paroles de grâce couler dans nos âmes. On y va? Alléluia. Luc chapitre 9. Verset 46 et suivant. On peut lire. Luc chapitre 9. Sur verset 46, en premier lieu, on va continuer. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Et leur dit, quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Vous y êtes? Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous nous l'avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Le Seigneur Jésus, dans ce livre-ci, il y a une pensée qui est parmi les disciples par rapport à la grandeur, par rapport à la comparaison dans le corps. Souvenez-vous, je vais vous donner le titre pour qu'on puisse couler. J'ai dit qu'on a de voir quoi? Le choix difficile. Il faut que vous cessez vraiment bien pour suivre Jésus. Donc, une pensée s'élève dans le cœur des disciples pour savoir qui est le plus grand. Pourquoi cette pensée s'élève Parce que dans le monde, c'est la course à la grandeur. C'est la compétition pour voir qui est le plus grand standard. Alors on peut faire les records Guinness pour savoir qui est la plus grande compétition. Enfin, il y a la Coupe du Monde pour compétir, pour voir qui est le plus fort. Il y a la boxe pour savoir qui est champion du monde. Il y a le handball, il y a le volley. Il y a le jogging. Il y en a tout cela. Parce qu'on veut attirer les gens dans les compétitions. Les hommes sur la terre ne sont pas en compétition. Vous voyez, les gens en réalité sur la terre ne sont pas en compétition. Les gens sur la terre doivent être en communion. Amen. On doit être en communion, pas en compétition. C'est la compétition fait de telle sorte que tout jeu où il y a des règles de compétition, il peut avoir de n'importe quoi, de pouvoir dérégler, pour aller à la course pour réussir. Par conséquent, vous entendez par exemple que l'équipe nationale russe a été disqualifié aux Jeux Olympiques à cause du fait qu'on a testé, ils ont été testés positifs au dopage. Pourquoi ils ont fait le dopage? Ils ont mis le dopage pour que le corps puisse résister à la fatigue et ils remportent la compétition. Ils remportent quoi, mes frères? Je veux que vous voyez comment Satan a réduit les hommes. Ils finissent de courir, ils font 22 jours, ils courent, après on donne un petit truc qu'on a fait en fer, ils se lèvent en l'air comme ça, ils disent « Ouais, on est champion !» Ouais, les gens courent partout, ils crient parce que la voix qui il dit qu'ils sont champions, on leur donne un petit trophée comme ça. Ouais, ils bougent comme ça, ils sont trophées. Ouais. On est le champion, on est le champion. C'est un petit trophée. Et là. Sur la courbe. Oui. Est-ce que c'est normal? Regardez à quoi on a réduit les hommes. Vous avez vu ça? Cette compétition-là, on pousse les gens à vivre dans l'iniquité. Le Seigneur Jésus-Christ veut directement éteindre cet esprit de compétition dans la vie de ses enfants-ci, de ses enfants à lui. Il dit, parmi vous, vous devez être comme les enfants. Dans les enfants, il n'y a pas de compétition. Vous remarquez très bien quand à l'école vous mettez les enfants ensemble, les enfants jouent ensemble en communion. Quand un enfant vient avec sa nourriture, il dort, il prend la craie là-bas, il prend les jeux, il joue, il prend les jouets, il se partage entre eux. Les enfants n'ont pas besoin de deux minutes. Ah, c'est les enfants qui se voient. Ils n'ont pas besoin de deux minutes pour se voir. Vous mettez les jeux là, ils commencent à jouer ensemble. D'autres, sans comprendre même les langues, ils commencent à jouer ensemble. Ils ont le langage des jeux. Jésus dit, on doit être comme ça, donc en communion. C'est ce qu'il a dit l'Éternel. Donc, un, au milieu de Christ, quand nous devenons chrétiens, les pensées de la primauté de nos vies, c'est terminé. Amen. Si tu étais colonel, il n'y a pas de colonel dans le corps de Christ. Il y a frère. Amen. Si tu es général, président, ministre, dans le corps de Christ, on t'appelle frère. Vous suivez cela? Amen. Donc, ce n'est pas le colonel des chrétiens. Le général des chrétiens. Il n'y a pas cette grandeur-là. Il n'y a pas cette hiérarchie-là au milieu des chrétiens. Nous sommes tous frères. On y va? Amen. Chapitre 14. Non, restons dans ce chapitre 9, s'il vous plaît. Restons dans le chapitre 9. Finissons ce qu'il voulait qu'on lise là-bas. Restons dans le chapitre 9. Bon, ma Bible, c'est tellement coloré là que j'ai du mal à lire là. On y va. Chapitre 9. Can we go? Chapitre 9. Luca. C'est Luca. Chapitre 9. Le verset 57 maintenant. Regardez. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, vous êtes au verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Oui, c'est toujours fort. C'est toujours simple de dire, je vais partout où tu iras. Vous savez ce qu'il a dit? Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Qu'est-ce qu'il a de vouloir dire, ce monsieur? Ne crois pas que quand tu vas me suivre là, tu auras une maison de luxe. Ne crois pas que quand tu vas me suivre en tant que Jésus, ne crois pas que j'ai un mansion quelque part, un grand palais quelque part où tu vas vouloir te reposer ta tête. Pour dire quoi? N'importe où il trouve, il dort. Il faut armer de cette pensée là en suivant Jésus. C'est-à-dire que il peut t'envoyer n'importe où. Vivre avec qui il veut, comme il veut. Comme celui-ci dit que je te suivrai partout où tu iras. Il croit que quand je vais entrer dans une ville, un président va lui donner un très grand appartement avec les chambres partout. Un disciple du Seigneur Jésus est prêt à dormir n'importe où, sous n'importe quelle condition, pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. On y va? Maintenant, regardons encore un autre. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais il y a une chose qui est frappante dans ces deux lectures. Vous remarquez qu'au verset 57, c'est un homme, c'est quelqu'un qui dit à Jésus qu'il veut le suivre partout où il est. Lorsque c'est nous qui décidons de suivre Jésus, il se pourrait que notre faiblesse se fait jour. Qu'à un moment donné, on se fatigue parce que le bras humain est toujours fatigué. On ne peut pas tendre votre bras comme ça indéfiniment. On ne peut pas lever la main comme ça indéfiniment. vous allez être élevé 2, 3, 4, 5 minutes. À partir de 15 minutes, vous allez commencer à comprendre la fatigue. Donc, quel qu'en soit le cas, la force humaine est toujours fatigante. Vous voyez? Maintenant, ici, c'est Jésus qui lance l'invitation. Jésus dit maintenant à celui-ci, suis-moi. Qu'est-ce que l'on fait? La Bible nous montre ici comment l'appel de Dieu face aux excuses des hommes. Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, laisse d'abord qu'il n'ait pas fait quoi? Enterrer mon père. C'est-à-dire que, attends, je ne veux pas avoir de problème avec mon père. Attends, quand mon père va mourir, mon père est trop méchant. Hein? Quand mon père va mourir, quand il finit de l'enterrer, il sait que mon obstacle est haut, est ôté. Je pourrais maintenant te suivre sans que, puisqu'il sait que personne ne sera là pour le déranger. C'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Chacun aura sa propre difficulté lorsque nous suivons Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. C'est vrai, on dit, l'annonce du royaume de Dieu. Lorsque Jésus t'a appelé, est priorité sur tout événement, même ton père. Amen. Vous avez vu ça? Attends que mon père meure d'abord. Il veut dire, si les gens qui sont vivants, au sens physique du terme, sont vivants pour lui, s'il meurt, on va l'enterrer. Ne t'occupe pas de lui, occupe-toi du royaume, parce que le royaume est plus important. Puis, regardez bien encore verset 61. Un autre dit, là c'est un homme qui parle. Remarquez que Jésus parle, un homme parle, Jésus parle, un homme parle. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Vous parlez de Jésus. Jésus lui répondit, quiconque, écoute bien sa reine, pour ne pas jamais rater. Écoute bien cette parole-ci. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous avez vu le temps de faire la marche arrière? Okay. Maintenant, ça veut dire que lorsque vous mettez la main et que le train commence à vous entraîner, vous allez dans cette direction-là. Ça veut dire que lorsque vous êtes pour le royaume de Dieu, il n'y a pas possibilité de chemin retour. C'est pour ça qu'il faut mesurer le prix à payer pour le suivre. D'accord? Mais celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? Il permet moi d'abord d'aller dire bye bye à mes gens. Oh, vous savez que je suis maintenant chrétien. Hein? Pardon, je suis chrétien. Ne me persécutez pas. Hein? Je suis là pour le bien. Je sais que c'est un bon type, non? Bon, on se voit. Il m'a dit qu'il n'est pas annoncé là-bas. Non, non, non, non, non, non, non. Remarquez les disciples. Remarquez chaque disciple pour montrer ses exemples ici. Le jour où il a rencontré Pierre dans la barque, quand il a dit suis-moi, à cet instant, il a commencé à le suivre. Pourtant, Pierre était marié. Il a laissé barque, filet, poisson là-bas, en bordure des mers. Il a commencé à marcher derrière comme ça, comme un mouton. En fait, c'est là où il a donné la définition du mouton, les brebis. Ils ont commencé à le suivre comme ça. Ils suivaient comme ça, avec Jean et autres là. Alors, personne n'a jamais dit que permets-moi d'aller dire d'abord. Il a dit que suis-moi, il suit. Et passe au péage, il voit Matthieu qui dit 50, 30. Donc, il le guette, il le guette, il le guette. Quand il finit, quand il a saisi son regard, quand il a regardé, il dit lève-toi, suis-moi. Il a abandonné l'argent de l'État là-bas. Il commence à le suivre comme ça. Là. Il n'est pas dit au revoir à la maison. Vous savez, Jésus veut toute notre attention, amen, tout notre cœur, qu'on soit focalisé sur ce qu'il a à dire. D'accord? Alors, il dit ici que celui-ci, il dit je vais te suivre. Mais, s'il te plaît, permets-moi seulement d'aller annoncer à ma famille que non, je il est décidé de suivre Jésus. Je ne suis plus dans la tradition, je ne suis plus dans ces ways-là. Non, il dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il dit, si tu mets la main, tu regardes derrière. Il veut dire, à l'instant où tu es appelé, tu dois obéir. Amen. Tu dois obéir. Parce que les détours, les choses que les gens font par derrière, les gens, ce que vous faites en détour, tout cela sont des filets du diable pour vous retenir. Parce que vous rentrez dans la famille pour dire au revoir à maman, maman dit que tu me fais ça, moi qui t'ai accouché. Tu dis, ouais, je sens pas. Ouais. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le choix donc pour suivre Jésus amène les ruptures, les brisements. Mais c'est nécessaire pour avancer. Il dit bien, que vous soyez en Christ, vous avez fait un choix, une décision, vous avez accepté de suivre le Seigneur, vous montez, vous descendez, il y a eu des cassures dans ces décisions. Après que ces décisions aient été prises, il y a des cassures. Si vous voulez prendre la décision, il y aura des cassures. Il faut que vous soyez prêt. Il faut que tu sois prêt. Il y aura des cassures. Parce que il, Jésus, va commencer à te réclamer des conditions pour lui dans sa marche. Désormais, c'est lui qui prend le contrôle. Vous ne pouvez pas prendre l'avion, vous entrez dans l'avion, vous dites au pilote qui est à l'avant, vous attendez. De toute façon, c'est pour ça qu'on ferme le cockpit. Personne ne le regarde. Il contrôle comme il veut. S'il entre là, il tourne sa bouche, tout ce que tu as fait là-bas, c'est dit Marie, Joseph, je suis, vous restez ce que vous avez resté. Pour essayer de vous calmer. C'est lui le pilote. Il envoie, il va là où il va. Il décide de descendre à 10 000 pieds, il descend. Il décide de tourner à gauche ou de tourner à gauche. Chacun récite ce qu'il connaît comme prière. Vous savez, n'est-ce pas? Donc Jésus doit être le seul commandant. Alléluia. À qui on ne donne pas les instructions. Il donne les instructions. Nous sommes censés suivre les instructions sans bouder. Les militaires donnent les instructions à les subalternes. Ils disent oui, chef. Ils se soumettent. Ils font les instructions. Les chrétiens d'aujourd'hui, comme ils sont tellement scientifiques ou comme ils sont modernisés, disent à Jésus que pourquoi tu veux que. Marquez bien les conditions d'appel. Quand il t'appelle, il dit tu ne poses pas les questions, tu avances. Aujourd'hui, on dit suis-moi. On dit Trabi, suis-moi. Il dit il parle en ivoirien. Il dit mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, en t'appelant, il ne sait pas que tu as des enfants. Il ne sait pas que tu as les mamans. Quand il est venu à Abraham, je remarquais bien le premier appel. Quand il dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays où je vais t'envoyer. Ni pas le dire à ton papa que papa, j'ai entendu une voix. C'est la voix de Dieu. Je fais comment? Il s'est levé, il a pris les choses, il dit, allez, on dégage. Ça a créé une scission, ça a créé une division. Il est parti, mais il fallait qu'il parte en obéissant à la voix. La faute pose sur la route. Il était en route avec l'autorisation la plus autorisée. Pour aller arrêter les chrétiens. Sur la route, la puissance de Saint-Esprit l'a frappé. Boum! Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Qu'est-ce qu'il va faire? Lève-toi, entre dans l'avion, on te fera ce que tu vas faire. Plus tard, quand il va raconter sa vision, il a dit que, par conséquent, très excellent Festus, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc, quand Jésus a dit, entre dans la ville, il a dit dans la ville, pas pour arrêter les gens, mais pour comprendre ce qu'on va lui dire. Et là, il nous a donné dans les Écritures, nous avons aujourd'hui. Si l'apôtre avait réfléchi, qu'il faut qu'il rentre chez Caïphe, les anciens amis pharisiens, il a dit que comme vous voyez là, c'est qu'on ne fait pas bien, hein? Ne persécutons plus les chrétiens. Non, dès qu'on a frappé là-bas, on a donné l'orientation. Si Jésus veut sauver ceux-là, il va les sauver. Mais il a décidé que c'est celui qui se passe. Seigneur, je suis sauvé. Et ma mère, alors, en te sauvant, il ne voit pas ta mère. Il voit ta mère. Il voit, s'il veut, il le fait. Tout à l'heure, ça n'a pas besoin de parler. Tout à l'heure, elle n'a pas besoin de parler, mais elle a quelqu'un à l'hôpital, mais elle est ici. Jésus connaît tout. On a chanté, il voit, il connaît, non? Il connaît tous nos manquements. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nos cœurs s'ouvrent. Et souvenez-vous, vous ne pouvez pas aimer les gens plus que Jésus. Même si vous aimez votre mère, vous ne pouvez pas dire, oh Seigneur, laisse-moi d'abord aller sauver ma mère. Vous allez sauver avec quoi? Vous pouvez donner la vie à quelqu'un. C'est lui qui connaît comment sauver. D'accord? C'est lui seul qui connaît comment sauver. C'est pour ça que la plus bonne chose que quelqu'un puisse faire à un autre être humain, c'est de lui montrer la voie qui conduit vers Jésus. C'est le meilleur cadeau. Jésus. Amen. Chapitre 14. Après cela, on va aller dans le livre de Matthieu. Après, chapitre 14 de Luc, on va aller dans Matthieu. Donc, préparez-vous donc à ce qu'on aille dans Matthieu. On va lire à partir du verset 25 du chapitre 14. Nous allons lire doucement et puis le Seigneur a encore ajouté les bénédictions à la lecture de sa parole. Père, je prie pour ton peuple qui est en Belgique. Je prie que tu te souviennes de chacun d'eux. Tous ceux-là qui soupirent après toi et qui cherchent la voie du salut. Plusieurs sont enchaînés dans les ténèbres, dans l'obscurité, et Satan les a vaincus avec la voie de l'iniquité. Mais comme tu as dit pour Israël, Seigneur, que tu vas répandre l'esprit de grâce, les supplications, et tournera le regard vers ceux qui ont percé. Je prie au Père de gloire que tu déverses ton esprit de grâce sur ce peuple-ci pour tous tes enfants qui sont enfuis dans le péché. Révèle l'esprit, Père de gloire, comme tu as fait pour Zerubbabel, afin qu'il tourne le regard vers toi. Je prie au Dieu que tu oignes tes serviteurs et tous ceux-là donc qui soupirent dans cette ville contre l'iniquité en voyant ces choses-là, Père de gloire, qui pervertissent leur âme. Je prie que tu leur oignes pour ton service dans ce pays-ci, pour que cette nation-ci, au Dieu de gloire, tu puisses y trouver des bons fruits également pour toi à la moisson. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 14, Luc chapitre 14, verset 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Dites-moi, comment il partait, n'est-ce pas? Il partait en délégation, n'est-ce pas? Comme si on allait dans un concert. C'est pas comme ça qu'on suit Jésus. On ne suit pas Jésus avec les pieds en marchant, non. On suit Jésus avec notre vie, avec notre cœur, notre état, tout notre être doit suivre Jésus, doit avoir le sens du mouvement de Jésus. On ne doit pas dire que j'ai donné mes pieds à Jésus et le haut c'est pour moi. Non. Quand vous êtes en Christ, tout ce qui vous concerne est en Christ. Tous vos enfants, vos choses, tout ce qui est là-bas est sous le regard du Seigneur. Jusqu'à votre compte en banque. Jusqu'à votre carte Vista. Ou c'est Vista que vous appelez, ou c'est Visky. Visa. Oui, votre carte Visa doit être le visa pour le Seigneur. Amen. D'accord? Maintenant, vous avez le carte Visa. Vous avez le compte en banque. Un frère dit, j'ai faim. Tu dis, ouais, ma soeur, je vais prier que Dieu te bénisse. Comment ça veut dire? Ces carte Visa, c'est le visa de quoi? Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Ne dites pas amen, s'il vous plaît, ne dites pas amen. Bon, on avance ici là. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Vous voyez, on dit des grandes foules. Normalement, c'est les pasteurs d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous venez à l'assemblée, vous êtes 400. Il dit, ah, première chose, il faut qu'on casse encore et on trouve un terrain qui est plus grand pour que le nombre vienne encore plus grand. Et ne se soucie pas. Quand les foules commencent à venir, c'est le moment de donner le message qui va séparer, en réalité. Et c'est ce que Jésus va faire. Quand les foules viennent, quand les gens viennent en foule, c'est un danger. Parce que tout le monde vient en foule, croyant qu'ils sont dans la vérité. Jésus va donner de la condition pour le suivre. Amen. Verset 26. Jésus leur dit, si quelqu'un, verset 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Nous commençons à voir que c'est Jésus qui fixe les règles. C'est lui qui est le maître. Nous sommes des disciples. Mais ils disent, voici la condition pour être ses disciples. Donc en venant, armez-vous de la pensée que vous pourrez être séparé de votre parent. Vous pourrez être séparé de vos terres. Vous pourrez être séparé de votre mari. Vous pourrez être séparé de vos frères, de vos soeurs à cause de Jésus. Et là, ils vont dire, quelle est cette église qui divise les familles? Lui-même a dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre. Il est venu mettre l'épée entre la mère et la belle-fille, entre le père et son fils. Et il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et il dit qu'il s'en fout si le feu brûle même déjà. Donc la division a commencé. Parce que la vérité divise. Quand vous serez dans une famille où vous ne vivez plus dans les ténèbres, quand vous serez dans une famille où vous ne voulez plus marcher comme les ténèbres marchent, dans la voie des péchés, les gens qui vont chez les marabouts, n'irez plus chez les marabouts, là, on va vous dire que tu as commencé, tu es dans la secte où les gens craignent. On a sucé ton cerveau. C'est pas seulement ton cerveau qu'on a sucé, on a sucé même ton cœur. Donc, en réalité, pour venir chez Jésus, il faut le lavage du cerveau. Le lavage du cerveau consiste à accepter le nettoyage des souillures de ce monde-ci. Les principes de ce monde-ci meurent pour toi et tu meurs pour les principes de ce monde-ci. On entre donc dans les nouvelles données. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a un enseignement sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Porter sa croix. En quatre exemplaires, en quatre émissions, on a fait sur la radio. Je crois que j'ai expliqué cela. C'est quoi porter sa croix? Les catholiques ont compris que porter sa croix, ça veut dire que chaque fois que chaque personne ait la croix, ils ont dit non, ça pèse trop. Ils ont mis la croix maintenant sur le cou, chacun porte. Ce n'est pas ça, c'est une question. Il dit que quiconque me suit, il doit porter sa croix. Chacun doit porter sa croix. Ça veut dire quoi? Vous devez accepter l'implication, les moqueries, les calomnies qu'il y a derrière le nom de Jésus pour tous ceux qui portent. Donc, ça veut dire que le nom de Jésus ne donne pas seulement les bénédictions, ça vient avec les souffrances et les moqueries. Ça vient avec des difficultés. Il a dit à l'autre précédemment là-bas que les oiseaux ont des nids, les renards ont des taniers, mais le fils de Dieu n'a pas au même la tête. Donc il veut dire, ne crois pas comme tu viens là. Comme le pasteur dit que viens à Jésus-Christ, ton problème sera résolu. Viens à Jésus, tu auras de grandes maisons. Jésus, c'est pas ça. Lui, il dit qu'il n'en a pas. Mais il y a un endroit propice pour nous où la teigne ne dévore, où les voleurs peuvent briguer. Il a dit, c'est dans les cieux qu'il nous prépare un endroit plus grand que tout ce que nous avons sur la terre. Mais il a rassuré que si votre famille vous abandonne sur la terre, vous donnera des familles. Nous voici parmi nous ici, personne n'a le même père, n'est-ce pas? Physique. Nous venons des familles différentes, des continents différents. Mais nous voici rassemblés autour des paroles. Nous parlons d'une seule et même voix, du même père, de la même personne, le Seigneur Jésus. Ce qui nous réunit ici, c'est la vérité. C'est la vérité. Cette même vérité est vraie pour le russe. Quand il est en russe, c'est la même chose qu'on lit ici. S'il y avait un chinois, il lirait la même chose. Le même message d'amour, le même message de souffrance pour le nom du Seigneur Jésus pour tous les continents. Donc Dieu est un Dieu égalitaire. Il n'y a point d'exception pour lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, vous avez des lois ici, en France, malgré que vous êtes dans l'Union Européenne, des lois interétatiques dont la France ne respecte pas. Vous voyez? Qui est indépendant uniquement pour le cas de la Belgique. Vous voyez? Alors, pour Dieu, si vous êtes en Christ, les mêmes normes, c'est pour tout le monde. Il n'a pas dit aux Coréens que comme vous êtes petit là, en venant en Christ, vous allez devenir grand un peu. Non. Il a dit, même souffrance. Quiconque, il dit quiconque, ne porte pas sa croix, ne peut être son disciple. Ça continue, verset 18, verset 28. J'espère que vous allez comprendre les implications, la souffrance qu'il y a à le suivre, la difficulté qu'il y a à le suivre. Donc préparez-vous au Mekiré, préparez-vous au Raéré, préparez-vous à tout ce qui pourra venir contre son nom. Et on va faire cela à cause du fait que vous êtes de Jésus. On va aller finir, on va aller dans Matthieu, puis on va aller dans le livre de Pierre. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Vous avez vu cela? Tu avais dit que j'étais chrétien, non? Tu avais dit que la paix ne peut pas te laisser. Même le pasteur, ça ne les laisse pas. On va voir jusqu'où tu vas aller. Je te donne encore 2 mois. Mon ami, j'étais servant de messe. Hein? J'ai commencé la paix, ça ne m'a pas laissé la fornication. Quand tu as goûté, tu as goûté. Tourne. Noyer, c'est noyer. Ce sont des choses qu'on dit, n'est-ce pas? Tu peux voir ta petite amie. Ton petit ami, tu dis que c'est terminé parce que Jésus veut qu'on marche dans la sanctification. Il dit que tourne. J'étais en retournant. Le jour que tu chantes David, je suis là. Jésus dit, il faut mesurer le tour. Si ta chair te brûle, tu ferais mieux de bien choisir. Mais quelle est la plus plausible? D'accepter la vie ou d'accepter la mort? Est-ce qu'on doit accepter de marcher dans le péché pour 5 minutes et finir en enfer que de marcher dans l'obéissance, dans l'endurance, sous la grâce du Seigneur et au finir la vie éternelle? Moi, je choisirai la vie éternelle. Amen. J'ai choisi la vie éternelle et j'ai choisi la vie éternelle. Amen. Et personne ne pourra m'ôter. Et j'avais dit, et je le dis, il n'y a personne sur la terre qui pourra se mettre entre moi et Jésus. Personne. Alléluia. Fût-il ma femme, elle ne pourra pas se mettre contre moi, ni avec moi. Donc, il n'y a rien qui peut m'empêcher de suivre. Parce qu'il a dit là-bas qu'il n'abandonne ni ses frères, ses femmes, ses enfants. Même l'enfant ne peut pas me permettre de m'empêcher de suivre Jésus. Donc, s'il veut se noyer, il les laisse se noyer. S'il veut qu'on se noie ensemble, je ne suis pas dans la noyade du péché. J'avance avec le Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Mais dans verset 29, verset 30 là maintenant, ils se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir. Cette femme disait qu'elle était chrétienne. Là, voilà, en boîte de nuit comme nous. Cette femme s'avait dit qu'elle était chrétienne. Là, voilà, qui est en train de frauder comme nous. Cette femme s'avait dit qu'elle ne peut coucher, mais elle m'a encore appelé le SMS. Vous savez, je dis souvent aux filles qui sortent avec des garçons, lorsque vous avez décidé de suivre Jésus, après avoir mesuré ce prix-ci, la première chose que vous devez faire, c'est effacer ces numéros. Après, vous avez annoncé que c'est terminé avec Christ. C'est terminé avec vous maintenant. Je suis avec Christ. Il faut leur dire cela pour qu'ils sachent quel est votre part. Mm-hmm. Appelez, leur dire cela et envoyez le message s'il le faut. Puis effacez les numéros. Mm-hmm. Qu'à compter d'aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. Vous êtes dans l'autre camp. Je vous conseille de suivre la même voie. Amen. Si on dit vous êtes déréglé, on a lavé ton cerveau. Quel est le passé qui a fait cela? Sachez que c'est le signe que vous êtes dans le bon côté. Amen. Parce que si vous dites, alors j'ai trouvé un boîte de nuit plutôt en boîte de Boulogne en France, allons-y là-bas. Il dit, waouh, allons-y là-bas. Pas vrai? Oui. Si on trouve là qu'à Genève, j'ai vu là-bas à Neuchâtel un endroit de pique-nique, un hôtel bien calme, on pourra bien faire l'amour là-bas. Allons-y là-bas, n'est-ce pas? Il va t'appeler, il va dire vraiment qu'il t'aime. Mais maintenant, quand tu lui montres la vie éternelle, la voie de la vie éternelle, on dit, on n'en veut pas. Parce que c'est Jésus. Parce que Jésus juge nos œuvres. Amen. Condamne nos œuvres de ténèbres et nous présente nos vrais visages, nos vraies vies, car en réalité, nous sommes des pécheurs et bêtes. Et nous, l'homme n'aime pas cette vérité-là. Vous voyez cela? Lorsque cette vérité s'est prêchée, lorsque vous avez fait ces choses-là en disant, je ne suis plus avec vous, je suis dans la voie de la sanctification, la Bible dit dans 2 Timothée 2:22, fuis les passions de la jeunesse. Après, ça va fuir. Il dit, il recherche la justice, la paix et l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce que le piège, c'est que les gens disent que je ne suis plus avec vous. Mais chaque jour, ils sont ensemble. Ils parlent, ils marchent ensemble. La Bible dit, les mauvaises comparées corrompent les bonnes mœurs. Dans le livre du Proverbe, chapitre 7, verset 14, la Bible déclare que tu écoutes du sage et tu deviendras davantage sage. Vous comprenez cela? Plus tu écoutes du sage, plus tu vas devenir sage. Mais maintenant, si tu as envoyé le pécheur, il va te pervertir. Ouais, pourquoi l'évangile ne sait pas, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas la communion entre les ténèbres et la lumière. Frère Chabi, a pu l'interrupter la voix. Observez ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Obscurité. Avant, allume. Quand il y a l'un, l'autre disparaît. Amen. Quand il y a l'un, l'autre disparaît. Quand vous allumez la lumière, fort, les ténèbres sont partis. Ouais. Quand vous éteignez la lumière, fort, les ténèbres sont là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc, on ne peut pas en même temps être dans les ténèbres, en même temps dans la lumière. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas des chauves-souris pour être entre les animaux volants et les animaux terrestres. D'accord? Mm-hmm. Mm-hmm. Chauves-souris avait fait comme ça, là, un jour. Vous savez, vous racontez l'histoire des chauves-souris. Vous connaissez l'histoire des chauves-souris? Vous connaissez l'histoire des chauves-souris? Non. Vous racontez l'histoire des chauves-souris? La chauve-souris, vous savez que le roi des oiseaux, c'est l'aigle. Le roi de la forêt, c'est le lion. Le lion invite, le lion était malade, on dit que tout le monde va donner la contribution. Lui dit, on vient le voir, on dit que monsieur, tu es la souris, non? Il dit oui, donne la contribution pour les animaux. Il dit, vous êtes fou, vous avez vu un animal qui a les ailes. Il dit, ah, on vérifie qu'il a les ailes. Donc on prend la contribution, on ne le prend pas. Un jour maintenant, c'est l'aigle qui est malade. On dit, maintenant, donne la contribution pour le remettre pour le grand aigle. C'est une histoire c'est seulement pour que vous soyez un peu amusant, d'accord? Mm-hmm. On dit, donne le remède pour l'aigle. L'aigle, il dit, pourquoi? Il dit, tu es un oiseau. Et vous avez vu un oiseau qui a les dents. Votre tête tient bien. On le laisse un peu. Donc, en même temps, il a les dents, il a les ailes. Donc, il se trouve entre les groupes des animaux et entre les oiseaux. Ok, l'aigle a dit que c'est la dernière fois qu'il te voit. Qu'il te voit, il te voit un jour, le trois mains senties. Le lion a dit que comme je suis guéri maintenant, il t'attrape, il veut te montrer comment il mange les autres. Il a trouvé la solution maintenant qu'il est marché dans l'obscurité. Donc, si vous faites la chose sur lui, vous faites, on n'est nulle part chez les chrétiens, nulle part chez les Satan, vous trouvez la ténèbre en pleine nuit. Et vous remarquez très bien que lui, quand il dort, sa tête est en bas. C'est ça. On ne peut pas faire comme ça, d'accord? On ne peut pas faire comme ça. Vous faites la tête en bas, le sang va couler, vous allez mourir asphyxié. Donc, il faut qu'on soit vrai. Tout le monde peut dire à quelqu'un, soyons vrais. Soyons vrais. Ne sois pas chauve-souris. Ne sois pas chauve-souris. Voilà. Il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas un endroit de milieu entre la vérité et le mensonge. Soit vous dites le mensonge, soit vous dites la vérité. Soit vous dites le mensonge, soit vous dites la vérité. On ne peut pas dire oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit c'est la vérité, soit c'est pas la vérité. Vous devez choisir. Et si vous choisissez Jésus, sachez que vous avez choisi la voie de la vérité. Vous devez dire la vérité. Amen. Amen. Si votre père obtient les faux papiers, vous trouvez du travail frauduleusement, dites-lui, papa, j'ai connu la vérité, je ne peux pas accepter cela, c'est la fausseté. Il dit, ne me dites plus ça. Il te tape. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait. On te donne encore. Tu as tes yeux gonflés, tu confirmes que Jésus est Seigneur. On avance. On avance là. Ça va? Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je crois qu'il faut qu'on attend. D'accord? Vas-y, on attend. Va, mon frère. C'est mon frère. Jésus nous aime, n'est-ce pas, frère? Amen. N'est-ce pas, sœur? Vous sentez bien? Oui, ça va. Voici les meilleurs moments de ma vie. Voici les meilleurs moments de ma vie. Lorsque nous partageons ces gros morceaux aussi. Amen. Et quand nous mangeons. C'est les meilleurs moments ici. Là, on peut aller jusqu'au matin si ça ne vous dérange pas. Oui, oui. Moi, je ne sais pas, je vais dormir. Enfin, je vais bien mais aller jusqu'à matin, comme tu dis. Mais demain matin, tu viens encore, non? Oui. Hein. Demain, c'est quand samedi. Tu ne travailles pas demain, non? Non, je ne travaille pas demain. Donc, on va venir, là, on va parler, on va prier. S'il y a n'importe quoi dans nos vies que le Seigneur ne veut pas, on enlève. Mm-hmm. D'accord? Okay. Ouais. Tu as vu comment tu as vu la vidéo là où on cherche les gens. Ah, ça! Ah, ouais. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible, ouais. Il faut que je vienne, il faut qu'il parte en Russie, non? Non, je n'ai pas vu ça. Tu veux pas que je parte en Russie? Il faut qu'il parte en Russie, prier là-bas. Va. Mais. Vas-y. Vladimir Poutine va me laisser tranquille, là. Bien sûr. Pourquoi vous avez de mauvaises avis sur lui? Non. Il fait très bien. Mais c'est quand même le roi. Les Européens n'aiment pas parce qu'il dit la vérité. Oui, c'est ça, parce que... Il dit cache la vérité. Ils écoutent Amérique. Mais la Bible l'appelle le roi du Nord. Le roi du Nord. Irène, là-bas, on a interdit les chrétiens de prêcher dans les métros, hein. D'évangéliser dans les métros, dans la rue. Non, c'est pour les... c'était interdit pour les... Les témoins de Jéhovah. Ah, oui. Oui. Parce que la justice a prouvé que c'est une secte. Secte. C'est une secte. C'est une secte. Donc on les a interdits. Oui. Les autres pouvaient. Ah, c'est rien que eux. Ils ne peuvent pas. C'était interdit. Ouais. Donc voilà le roi du Nord qui dénonce, il dénonce l'homosexualité des Européens. Mm-hmm. Vous dites que vous êtes un pays chrétien, vous n'avez même pas honte. C'est le président qui dit ça. Vous êtes un petit chrétien, vous n'avez pas honte. L'homme et l'homme se marient. Oui, ça veut dire que s'il vient, s'il va taper le président là, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il fait le karaté. C'est ça. On continue ici. Verset 29. Verset 28 encore. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. Je crois que nous avons lu cela. Mm-hmm. Sur verset 30 maintenant. En disant, verset 29 dit, ils vont le réel en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Mm-hmm. S'il ne le peut pas, et s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Verset 33, il continue. Mm-hmm. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à, j'aime cette mot, c'est le mot de la Bible qui me plaît beaucoup, ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Pose la question aux gens aujourd'hui. Tu es quoi? Je suis chrétien. Quand? Je suis chrétien depuis la naissance. Mon père, catholique, ma mère, catholique, sommes tous catholiques chez nous. Vraiment, hein? Il n'y a pas de disciple de naissance ici dans la Bible. Je suis disciple. Tu es comment? J'étais baptisé, confiné, confirmé. J'étais même enfant de cœur. Hein? Mon nom est écrit sur la liste du Sacré-Cœur de là-bas. Le père Jérôme, même celui qui m'a consacré. Père Jérôme, tu parles. Il dit, quiconque veut être ce disciple, veut être appelé de Jésus, il doit renoncer à tout ce qu'il possède. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas ce disciple. Donc tu peux te tromper sur la terre que tu es disciple de Jésus. Il y a des renoncements, il y a des séparations, il y a des brisements, il y a des railleries, il y a des calomnies pour tous ceux qui veulent à Jésus de la bonne façon. Vous me suivez? Amen. Matthieu. Après qu'on va lire Matthieu, il va fermer la Bible, il va commencer à parler. Commencer à parler seulement. Okay. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. On va lire à partir du verset 1. Déjà trouvé là-bas, Reine. Reine, tu sais qu'il te faut la délivrance, toi? Tu sais qu'il te faut la délivrance? Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mm-hmm. Écoutez bien. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Vous voyez les hommes, n'est-ce pas? Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassembler tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Je veux que vous gardiez bien le mot, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voici un passage biblique époustouflant. Si vous aimez le Seigneur de la bonne façon, ce passage doit vous secouer. si vous suivez Christ de la bonne façon, voici un passage qui doit vraiment secouer notre âme pour nous pousser et nous poser des questions. Comment un être, un roi qui envoie comme pas amener les gens? On amène les gens, on a dit, on a pris méchant et bon. Il vient, il trouve quelqu'un, il fait encore l'inspection à l'intérieur. Pourtant, c'est lui qui a dit qu'on peut amener les gens à l'intérieur. Il lui pose la question. Comment es-tu entré ici sans habit de noces? Et la conséquence est, étant à l'intérieur, il ne dit pas donner lui l'habit. Écoutez très attentivement. Étant à l'intérieur, Jésus ne dit pas donner lui l'habit à l'intérieur pour qu'il soit conforme. Parce qu'on n'est pas conforme à l'intérieur, on est conforme avant d'entrer. Vous voyez? La question c'est, comment il est entré? Vous voyez? Mais Jésus, c'est le roi qui envoie d'aller prendre n'importe qui. Il dit, allez dans les places, amenez tout le monde. On les a amenés, on dit, la sage fut plein de convives. Puis il dit, il voit ceux qui sont à l'intérieur. Il trouve quelqu'un qui n'a pas l'habit de noces. Vous comprenez cela? L'habit de noces. Il dit, mon ami, comment tu es entré ici sans avoir l'habit? Tu es passé par quelle porte pour entrer? Voici une question qui est traumatisante. Comment un être humain a pu faire pour entrer dans le royaume sans être né de nouveau? Sans vêtements de justice. Comment il a pu faire? Jésus veut nous dire, même si vous utilisez n'importe quel chemin pour entrer, de toute façon, vous allez vous trouver dans les ténèbres. Parce que là-bas, il n'y a pas de raccourci. Alors, qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Ça veut nous faire comprendre qu'il faut qu'on vérifie véritablement si nous sommes en règle avec le Seigneur pour y entrer. Je ne comprends pas alors. Il a dit, amenez les méchants et tout le monde. Oui. Ils sont entrés alors. Et pourquoi il est chassé alors? Il est entré alors, comme tout le monde. Oui, mais je me pose la question, pourquoi il est... Oui, moi aussi je me pose la question, je ne vois pas la réponse. Ah, ben, la réponse est toujours là-dedans. La question c'est quoi le vêtement? Oui, mais il a dit tout le monde. Donc celui-ci est entré. Et bon, on les a pris là-bas. Oui, oui, tout le monde, voilà. On voit l'apôtre Paul. Et alors celui-là aussi rentré avec les autres. Comment il est entré sans vêtements? Parce que la Bible, c'est lui qui nous a donné le renseignement que, en faisant l'inspection, celui-ci n'avait pas de vêtements. Comment il est entré sans vêtements? Tu vois, c'est dangereux là. C'est quoi dans le vêtement dont il parle? Le vêtement de la justice. Le vêtement de la justice. Oui. Il faut oui. qu'on soit justifié pour y entrer. On n'entre pas là-bas par appartenance religieuse. On n'entre pas là-bas en restant des prières. Oui. On n'entre pas là-bas parce que ton Père a cru pour toi. Oui. Chacun doit être justifié. Bon, parce que chez les juifs, quand un homme vous invitait au mariage, pour qu'il n'y ait pas de distinction dans la classe sociale, on comptait le nombre d'invités qui devraient être là, on faisait une même tunique pour tout le monde. Si c'est rouge, on coule le rouge. Et quelqu'un s'asseyait à la porte, quand tu es invité, on voyait que ton nom était invité, on te donne un vêtement, tu portes au-dessus de ton vêtement. Et tu entres comme ça, tout le monde soit en uniforme identique, pour qu'il n'y ait pas de classe de distinction. Alors, celui-là est entré, supposons que tout le monde était en rouge, il est en bleu. Le roi dit, mais comment? Tu es passé comment pour entrer ici, sans qu'on ait donné le vêtement? Il doit sortir, parce qu'il n'est pas parmi les invités. Ça semble dire que c'est quelqu'un qui a été appelé, mais qui a refusé le de justice. C'est plus compliqué que cela. Il ne veut pas toucher dans ce domaine. Il veut qu'on touche le domaine où, même si nous sommes à l'intérieur, nous avons une vie de sanctification à marcher. Parce que l'autre ici, le domaine ici, c'est un coriace. Je vais y revenir dans un autre enseignement. Comment il a fait pour entrer? Mais je veux que vous regardiez que même à l'intérieur, on fait l'inspection. Si vous n'êtes pas conforme, vous sortez. Il remarquait bien qu'il ne dit pas que, OK, comme vous êtes à l'intérieur, cherchez-lui un vêtement. Les vêtements se donnent à l'entrée avant que tu n'entres. Avant que tu entres, tu dois avoir. Si tu es dans sans vêtement, c'est dehors que tu vas le trouver. Vous voyez cela? Irène, c'est quoi? Oui, je comprends, je suis d'accord, mais c'est compliqué. C'est là. Bizarre, oui, c'est compliqué, mais je comprends que à l'intérieur, comme tu dis, au royaume du ciel, ils vont quand même inspecter qui est qui, qui a fait quoi. Non, mais Jésus dit, ça c'est une parabole. Ça ne veut pas dire c'est ce qui va se passer. Il dit c'est une parabole. Et Jésus veut donner une explication. En fait, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux sans vêtements de justice. Et même s'il était possible d'y entrer, sans cette justice-là, vous sortirez. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Il ne veut pas dire que dans le royaume des cieux, quelqu'un pourra entrer dans le parce qu'il n'y a pas d'entrée. Parce qu'il est la porte, normalement. Amen. D'accord? Voilà, c'est ça dont il est question. Il veut montrer l'importance du royaume et la sanctification de ceux qui y entrent. Il ne veut pas dire que quelqu'un peut entrer, vous sortirez. Vous allez me faire dire la chose là directement maintenant. Bon. Allons dans le livre de 1 Pierre. Allons-y dans le livre de 1 Pierre. Pierre 1, Pierre. Oui. Un Pierre. Un Pierre. Ah, Petro. Ouais. Petro, c'est ça? Non. Petro. Petro. Petro. Petro. Ouais. Mais tu peux m'apprendre, si j'étais si en Belgique, tu m'apprendrais le russe, hein? J'aime bien parce sûr. Que j'aime. Oui. Ouais. C'est compliqué. Oui. Petro, chapitre 4. Oui. 4. Tout le monde y est, chapitre 4. Oui. Donc, mesurez bien qui vous avez décidé de suivre. C'est celui-là dont la Bible déclare dans le livre du Psaume, chapitre 2, pourquoi cette vaine pensée parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre s'élèvent-ils contre ton serviteur, contre ton roi? Donc, même les rois de la terre, souvenez-vous, ce qu'ils font là, le nouveau ordre mondial, ce n'est pas pour la terre, c'est pour combattre Jésus. Ouais. Tout ce que vous entendez qu'on fait dans le monde, les armées, l'OTAN et tout ce qu'on fait là, c'est l'armée pour combattre le Seigneur Jésus. Les bombes atomiques, pour faire de la cause, vous entendez, les bombes nucléaires, c'est pas pour les humains, c'est pour combattre Jésus. Ils croient que lorsque Jésus va venir, ils pourront bombarder, ça explose, tout ça le brûle. Et ils m'amusent, c'est ça. On sera quitté cette terre si vous allez vous brûler, si vous deux, vous tous là, entre vous, les présidents, ça a causé au-delà. Maintenant, 1 Pierre chapitre 4, ah Seigneur, quel jour. Quel jour heureux, ce jour-là, nous allons nous retrouver dans le mur en train de chanter pour la gloire de notre bon grand Dieu. So, quoi, Proverbe, enfin, 1 Pierre chapitre 4, on y va. Écoutez bien attentivement, verset 12 et suivant. Vous avez ce passage devant vous, 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Le titre de notre enseignement, c'est quoi? Le choix difficile pour suivre Jésus. Le choix difficile pour suivre Jésus. Il dit bien-aimés. Il a écrit bien-aimé, donc il s'adresse aux chrétiens. Il dit bien-aimé, ne soyez pas surpris. Donc quand ça vous arrive, ne soyez pas surpris. Il dit ne soyez pas surpris, comme d'une chose, il faut pas que ça soit étrange. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, d'accord? Quand tu viens d'arriver, que Dieu te bénisse. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Il dit bien-aimé, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise. Remarquez très bien, pas le feu, fournaise. Le feu, c'est quelque chose que vous allumez comme ça. Fournaise, c'est quand c'est en grand, c'est une grande flamme dans une grande surface. Fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. On dit, le but de cette fournaise-là, c'est pour nous faire quoi? Pour nous éprouver. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre le dit? Il dit, vous souffrez pour Christ? Ok, c'est normal. Il dit, c'est normal. C'est la porte courante de Jésus. Enfin, il dit même, vous ne devez pas être triste comme vous souffrez. Il dit, réjouissez-vous. Donc, si on vous calomnie, dit, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ses chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ses chants retentissent en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier le forfait, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ses chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, quelles qu'en soient les souffrances, n'est-ce pas? Amen. Regardez bien encore, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc, chacun a sa part aux souffrances de Christ. Reine, tu es prêt à souffrir? Et récemment. Verset 14. Écoutez très attentivement. Si vous êtes outragé, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc un chrétien ne souffre pas au hasard. C'est parce que le simple fait que le nom de Christ est invoqué sur vous, la gloire de Christ est sur vous, ça témoigne contre la haine de ce monde aussi. Les chrétiens devraient être reconnus par leur douceur. Vous voyez? C'est-à-dire, normalement, quand vous êtes en Christ, quand Christ vous saisit de la bonne façon, si vous êtes bruyant, vous devenez doux comme un agneau. Si vous êtes violent, vous devenez paisible. Là où on attendait que vous réagissez avec violence, c'est la paix. Pas que vous faites que j'ai plus mon petit doigt. Il faut qu'il fasse comme ça pour ne pas t'en. C'est que le jour où tu vas oublier de plus le petit doigt, tu vas gifler quelqu'un. Tu vas dire que c'est la dernière fois, ma tête chauffe. Et tu vas boxer quelqu'un. Tout simplement parce que en un clin d'œil, le Saint-Esprit passe sur vous. Il nettoie toutes ces choses-là. Il change votre caractère. Il vous donne la douceur, l'humilité de Christ. Cette humilité qui était en lui au point où, quand le giflait, il te regardait avec amour. Pas qu'on te gifle une fois. Hey, j'ai fait le karaté. Ne fais pas que mon côté animal s'élève. Si tu as quelqu'un, si tu as le côté animal. Si tu as le côté animal. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Vous voyez, quelqu'un dit que ne fais pas qu'il me chauffe. Tu ne sais pas que quelqu'un il me chauffe. J'ai fait le karaté, il va te montrer comment. J'étais senti noir cette année. Hein? Ok, bon, maintenant, ici il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de grâce, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Puis il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Ça veut dire que si on vous persécute parce que vous avez fait quelque chose de mauvais, c'est normal, c'est la justice des hommes. Mais il dit, comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Vous entendez? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, verset 16, tu as ça devant toi, madame? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu. À cause de ce nom-là. Vous y êtes. Je veux que vous compreniez que nous ne sommes pas dans notre monde. Hein? Christ, notre Seigneur, après avoir expié le péché, il a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ils vous feront du mal, ils vous persécuteront parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Et parce que vous n'êtes pas dans le monde, vous n'êtes pas du monde, ils vous feront toutes ces choses-là à cause de mon nom. Donc c'est parce que tu es de Jésus. Prenez l'exemple, par exemple, comme un président qui ferait du mal, comme le président Mobutu. Il ne fait pas bon vivre au Congo maintenant. Pourquoi tu parles au Congo? Tu dis, je m'appelle Mobutu, Joseph, telle personne. On va dire, hey, Mobutu, hein, oui. Tu veux dire, tu es le fils de tel président? Tu dis, ok, je vais te Mobutu de quel bois, de mes choses. Parce que c'est ton père qui a fait ci. Parce que tu portes le nom de Mobutu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais maintenant, si quelqu'un dit, je suis Martin Luther, ton père était Martin Luther parce qu'il a fait de bonnes actions. Ici, comme nous avons choisi le Seigneur Jésus et que le nom de Jésus, Jésus est venu pour montrer aux œuvres de ce monde aussi que ces œuvres sont mauvaises. Si vous prenez position pour Jésus, votre vie montre normalement que les œuvres de ce monde aussi sont mauvaises. Parce que le monde vous hait. Il dit, si on est sur le nom de Christ, on est heureux. Oui, n'est-ce pas? Mais il donne les avertissements qu'on ne doit pas plutôt souffrir comme on a fait du mal. Il ne faut pas, par exemple, que tu pars pour avorter, que ça te cale, ça fait mal, tu as le mal, le baba dit, Seigneur, et ça fait mal, il souffre comme ça à cause de toi, ce n'est pas à cause de Jésus. C'est à cause de l'iniquité. C'est n'est-ce pas? Chapitre 4, le verset 1 et 2. Qu'est-ce que ça dit, verset 1 et 2, chapitre 4? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Vous y êtes? Nous sommes au chapitre 4. Est-ce qu'elle a trouvé celle-là? Verset 1, il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. On s'arme de la même pensée de quoi? La pensée de quoi? La pensée de... souffrance. Non, laissez-la comme ça, laissez-la, vous ne concentrez pas. Elle dort, elle rentre comme un jeu, que lui dormait dans le bateau, il y avait l'eau là-dedans. Maintenant, regardez, il dit, armez-vous de la même souffrance. Vous êtes ensemble avec moi? Donc, on dit, focalisez-vous sur Christ. Remarquez comment il a souffert. Il dit, préparez-vous aussi. Préparez-vous. Donc, ça veut dire que Christ, la vie de Christ n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas un terrain de jeu. Il se pourrait que quelqu'un avec qui tu marchais, vous êtes nés ensemble, vous grandissez dans le même quartier, vous grandissez ensemble dans le même banc, vous mangez ensemble dans la même assiette. Le jour où dit que Christ, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Nos chemins s'arrêtent. J'ai déjà peur de toi. Nos chemins s'arrêtent ici. Christ crée la séparation entre les ténèbres et la lumière. Vous voyez cela? Cette personne peut t'amener en boîte de nuit, t'amener n'importe où. Pour lui, la mondanité, c'est ce qui est bien pour lui. Parce qu'il n'est pas fortement. Le porc ne peut que, quand il fait chaud, le porc est dans la boue, il fait il se sent à l'aise. Tu le laves, tu l'entaches quelque part, il dit non, c'est la boue qui est bien. Parce qu'il ne se connaît pas l'autre chose que le marécage. Mm-hmm. Même maintenant, Lorsque tu es en Christ, tu vois la boue dans laquelle tu étais. Mm-hmm. Quand le voile est ôté, tu dis, waouh, qu'est-ce que je faisais? Miséricorde de miséricorde. Tu dis, mon frère, la vie qu'on menait là, ce n'est pas bon. Il dit, tu es entré dans les alléluia là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On parle maintenant un peu comment Jésus, n'est pas comment Jésus. J'ai déjà peur de toi. Voilà la séparation qui arrive. Ses parents disent, je vais peut-être voir avec le garçon là. N'importe quoi, maintenant je le vois seulement à la Bible. Donc, lire la Bible est un problème. On dit, maintenant je le vois. Au bureau, vous asseyez, vous lisez la Bible à midi. On dit, madame, ici, on ne lit pas la Bible. Lis le Harlequin. On dit, waouh, qu'est-ce que ça dit? C'est quelle série ici, Harlequin? Le monde aimerait ce qui est à lui. Dit la Bible. Vous comprenez? C'est pour cela qu'au courant des siècles, on a brûlé les gens qui avaient cette Bible-ci. Nous aussi, maintenant que nous avons encore au moins la liberté de pouvoir lire, de pouvoir avoir accès, nous devons être reconnaissants au Seigneur. Amen. Parce qu'il y avait des gens qui avaient les rouleaux. Les gens avaient les rouleaux de cette Bible, c'est comme ça. Ils cachaient dans la prison. Ils le voient chaque fois pour lire. Jean a dit ces choses. Ils gardaient cette parole-là dans le cœur pour pouvoir tenir ferme à la foi. Nous avons 66 livres. On prend aujourd'hui. On dit, ouais, Seigneur, c'est beaucoup jusqu'à. Ils devaient commencer par où? Vous voyez? Ça ne doit pas être comme ça. Cette parole, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour conduire. Cette parole-ci doit nous corriger. Médite le jour et nuit pour agir, pour agir. Médite pour agir. Médite pour agir fidèlement. Fidèlement, ça veut dire sans en faillir, en rien. Fidèlement, ça veut dire exactement tel que c'est écrit. Ça veut dire quand c'est écrit, c'est comme ça qu'on doit le faire. D'accord? Vous êtes fatigué? Non. Vous êtes fatigué? Moi, oui. Oui, c'est vous êtes fatigué. C'est qu'on arrête là-bas maintenant. Mais on lit quand même quelque chose. Non, je ne veux pas arrêter à cause de moi. Non, non, on va arrêter parce que tout le monde doit manger. D'accord? Ah, d'accord. Alors maintenant, on lit almost un verset d'abord à la fin. Ah oui, on lit bien sûr, un verset. Bien sûr, bien sûr. On lit un verset, bien c'est bien. Ça? Luc chapitre 19. Donc, préparez-vous. Ce n'est pas la partie facile. Ça m'a coûté les amis. Ça m'a coûté la famille. Ça m'a coûté les biens de ce monde-ci. Mais Dieu m'a donné une femme pour me consoler. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné des familles plus grandes que je pourrais penser. Si j'avais été dans ma famille, je n'aurais pas connu mon grand frère, c'est qui est mon frère dans le monde. Je vais vous reconnaître. Vous êtes nombreux dans le monde entier que je connais au travers de la parole. La parole est vraie. Il dit qu'il donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Vous voyez? C'est ici, c'est en Christ que les gens rejetés dans le monde doivent trouver refuge. Trouver la chaleur chrétienne. Pas que vous vous séparez pour entrer dans un secteur. Non, non, non, non, non, non. Ça dit que c'est l'expression du véritable amour que l'être humain cherche. Ça doit se retrouver au milieu chrétien. Mais les gens viennent au milieu chrétien, ils sont déçus par le comportement. Déçus par le comportement. Vous voyez, vrai, une sœur vient entendre ton histoire, pas raconter là-bas en calomnie. La Bible déclare que la calomnie, aucune impureté ne doit même être mentionnée au milieu de vous. Elle convient à des saints. Alors on vit maintenant la méfiance. On s'assoit comme ça, l'autre cœur à l'autre cœur. Que la sœur, là, elle dit comme ça, elle est dangereuse. Plus dangereuse que l'atome. Au milieu chrétien, ça ne doit pas se faire. Le Jésus qui est saint ne tolère pas de telles choses. Au milieu de saint, point de calomnie. Point de murmure. Alors, ma soeur, tu as quel problème? Oh, prions ensemble, c'est même à genoux, on prie le Seigneur. On ne peut pas invoquer le Seigneur, qui est le Seigneur juste, sans être droit sur le cœur. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est une réunion d'hypocrisie qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on n'aime pas. Vous dites, j'ai cette soeur à côté de moi. Elle souffre, elle a besoin de l'argent. J'ai de l'argent dans le compte en banque que j'ai gardé là. Elle dit, je souffre. Il dit, oh, que je prie pour toi, pour que je te donne l'argent. L'argent va sortir du ciel pour tomber aussi sur la terre. Cet argent qu'elle garde là, c'est pourquoi? Demain, si je meurs, ça va m'aider. Allons dans le livre Proverbe, on est rentré là. Proverbe. Proverbe chapitre. Non, c'est chaud aussi. 19. Non, prenons le chapitre. On va prendre quoi? Chapitre 17. Regardez le verset. Si vous notez le verset 7, puis on va aller quelque part encore. Vous y êtes? Ok, vous avez noté le chapitre. Nous sommes au chapitre 17. Je vous donne quelques versets, puis on va en lire. Chapitre 17, notez le verset 9. Puis maintenant, regarde, allons au verset chapitre 18. Je ne sais pas ce qui a connu ça ici. Chapitre 18, regardez le verset 22 ou bien 23, oui, 23 c'est bon. Regardez verset 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dignité. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. Vous avez noté? J'avance, je vous donne quelque chose là-dedans. Notez, si vous entendez noter, vous notez, parce qu'on va lire. Je vais vous montrer des choses. C'est fort là. Notez le chapitre 16, le verset 20. Oui, nous sommes la province. Le problème, c'est le mort. J'arrive. Okay. Vous allez noter au chapitre 5, le chapitre 17 là. Oui, oui. Vous allez noter au chapitre 18, que j'ai donné. Oui. Maintenant, regardez le chapitre 17, verset 5. Lis mon frère, lis le verset 5 du chapitre 5, chapitre 17. Verset 5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Oui. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Voilà. Notez le chapitre 14. Verset 31. Vous y êtes? Verset 31, qu'est-ce que ça dit, mon frère? Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Oui. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Donc, on honore Dieu en ayant pitié de l'indigent. Outrager le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait, c'est qui? Dieu. Donc, si vous voulez tenter Dieu, méprisez le pauvre. Si vous voulez honorer Dieu, honorez les indigents. C'est la Bible, là. Mais le chrétien ferme les yeux et dit, oh, we worship you, my Lord. J'ai la chair d'épaule. J'ai la chair d'épaule, même pour le canard. Ceux qui chantent le menu marquillage ont le même chair d'épaule. C'est pas ça. Il faut vivre la parole. Amen. Donc, il faut que notre système, notre façon d'amour change. D'accord? Le verset 21, qu'est-ce que ça dit, mon frère? Le verset 21, le même chapitre. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Attendez. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu? Notez aussi psaume 41, verset 1 à 4. Psaume 41, verset 1 à 4. Je dis noter. Je vais pas demander que vous allez là-bas. Je veux qu'on reste dans le problème parce qu'il va vous donner des versets là-bas. Faut que vous voyez. Ouvrez Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc, les pauvres sont au milieu de nous pour nous montrer comment Dieu est bon. Donc, c'est une bénédiction de donner aux pauvres. Amen. Parce que les pauvres sont, sont la banque de Dieu. Quand tu donnes à un pauvre, tu prêtes à l'Éternel. Et on promet qu'il va te le rendre. C'est la Bible qui dit. Mais si j'ai des choses, on n'aime pas lire cela dans la Bible. On n'aime pas lire la Bible parce que ça touche nos matériels. Alors je disais, comment on peut dire on est chrétien? Au milieu de nous, les gens souffrent. On ne prend pas soin. Ça ne marche pas. On n'est pas chrétien solitaire. Vous êtes chrétien, vous êtes lié à quelqu'un. Parce que le corps n'est pas un seul. La Bible déclare que le corps, c'est plusieurs membres. Chaque personne fait une fonction. D'accord? La Bible déclare que celui qui donne avec liberté, qui fasse ce qu'il doit faire. Chacun doit faire une fonction. Alors vos froideurs de l'amour ici doivent être réchauffées. On doit changer la façon de prouver notre amour. Enfin, nous devons le prouver. D'accord? Prochain chrétien chez eux. Maintenant, vous avez mis une menace que vous appelez sur la porte l'œil du bœuf. Vous avez mis dans l'œil du bœuf, mais même l'œil de la vache. Vous mettez sur la porte. Kungun, tu le regardes comme ça, sa tête est grosse là-bas de l'autre côté. Tu sais qui? C'est tel chrétien. Il te range. Tu manques maintenant. Il t'a plus le mensonge. Dis-lui que papa n'est pas là. Voilà le chrétien qui ment. Qui rentre chez lui. Des pasteurs même qui mettent les gens dehors en hiver dans vos pays. Il dit c'est terrible seulement. C'est terrible. Suivre Jésus n'est pas facile. Je veux que vous compreniez une chose, c'est que lorsque vous êtes en Christ, vos matériels appartiennent au Seigneur Jésus qu'il dispose comme il veut. Amen. Fermez et mettez la main sur votre matériel pour qu'il ne dispatche pas ça à ses enfants. veut dire vous êtes le souverain de votre matériel, il n'est pas le seigneur de votre vie. Parce que la Bible déclare dans ce livre de Proverbes que celui qui ferme ses entrailles au cri des pauvres criera lui-même et il n'aura point de réponse. Vous savez, moi, les gens ont des problèmes, des situations, des persécutions. Après, ils posent la question, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Le psaume 41 nous dit que heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, le Seigneur ne le délivre, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il ne le livre même pas au bon plaisir de ses méchants. Il va le protéger même de la sorcellerie à cause du fait qu'il se souvient aux pauvres, des pauvres. Donc, il faut que notre système d'amour change. Dieu veut que le refroidissement de notre système avec lui, notre fonctionnement, les uns pour les autres, change. Nous citons chaque fois, en envoyant des versets bibliques aux gens, que 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne point le mal, mais nous soupçonnons chez les frères. Ouais. L'amour ne cherche point son intérêt, nous cherchons notre propre intérêt. L'amour pardonne tout, mais nous avons des rancœurs. L'amour croit tout. Il dit, le frère l'a dit le mensonge. Il ne le croit plus. Fermons les bibles. Fermons les bibles, fermons les bibles, fermons les bibles. Fermons les bibles. Alors, je veux qu'on se regarde les uns les autres droitement dans les yeux. Est-ce que nous sommes prêts à marcher dans cet amour-là du Seigneur, dans la foi? C'est-à-dire quoi? Marcher selon les Écritures, même si notre environnement veut que ce soit n'importe comment. Même si vous avez là vu quelqu'un, il ne s'agit pas d'avoir passé des années dans la foi. Il ne s'agit pas d'avoir fait 8 ans que non, je suis nouveau converti. Non, non, non, non, non. La plante du macabo qui est jeune est le macabo dès le départ. D'accord? Elle va vraiment grandir pour produire le macabo. L'arbre qui produit la mangue, même étant jeune, c'est le manguier. Quand ça va être la moine, c'est le manguier. Quand ça va être vieux, c'est le manguier. Donc, dès le départ, c'est le manguier. Vous êtes chrétien, né de nouveau, vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien, deux jours, vous êtes chrétien. Vous avez seulement la quantité d'obéissance, la quantité de vie de Christ en vous. Ce que vous devez faire, c'est il faut que votre vie soit codifiée, contrôlée, guidée par ces manières-ci. C'est pour cela que le Seigneur a donné. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir. Le but des méditations, c'est pas pour dire, j'ai vu dans la Bible que Dieu parle contre ce frère-là. Il n'y a pas son nom là-dedans. Quand tu lis, ça te lit. Tu lis, ça te scanne. Tu ne lis pas ça, tu vois quelqu'un d'autre. C'est toi que tu vois dedans. Donc quand tu lis ça, sache que Dieu a des instructions pour toi. Alors, quand tu lis, il faut être prêt à être obéissant. Si vous ne voulez pas être obéissant, ne cherchez pas de problème avec Dieu. Mettez ça de côté, continuez votre vie. Mais si vous voulez mettre votre vie en ordre, marcher comme Dieu veut, c'est le code ici. Fini le patitamétisme. Donc, si tu n'es pas marié, pas de sexe. Tout le temps que quelqu'un dit pas de mariage, pas de sexe. Pas de mariage, pas de sexe. Dit qu'il n'y a pas de petit ami ici dedans. Il n'y a pas de petit ami. D'accord. Il y a tout simplement. Parce que chez les Blancs ici, j'ai entendu, ils ont des cette terminologie pour cacher le péché. Tu dis c'est mais, qui ici? Même ils disent que c'est pas péché. Que c'est pas péché? Oui, c'est pas péché, c'est normal. Et si c'est normal alors? Oui, pour eux. Pour eux, c'est pas normal. Oui. Alors bah, eux ils disent, mais c'est pas grave, c'est comme ça, pas obligé de marier. Ils disent, il y a beaucoup, en tout cas, oui. ce que je connais, c'est pas bien. Bah, bien sûr. Donc nous devons appeler péché ce qui est péché. Chez nous, en Afrique, on dit petit ami, que c'est un ami qui est petit. Oui. Même si elle vieillit, on dit c'est toujours petit ami. Oui. Ici, on dit ça m'accompagne, non, l'accompagne seulement. Donc, vous allez dans le péché ensemble, on est en enfer, il s'accompagne dans le péché. Normalement, on appelle ça le partenaire du péché, c'est le vrai mot. Oui. C'est son partenaire de quoi? Du péché. Donc, quand il veut pécher, il pêche avec. Oui, mais il ne veut pas ce nom-là, parce que ça va le juger. D'accord? Ah, oui, mais la Bible déclare que le Seigneur veut que notre corps soit saint. Saint. C'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu, on doit saint. Alors, le blanc, vous voyez, un pasteur en Europe. Il finit de prêcher, il prend une minute de pause, il va dehors, il tire la cigarette. Il vous faut la délivrance ici, là, dans ce continent. D'accord? Il faut la délivrance. Les prêtres sortent avec les femmes des autres, les pasteurs couchent avec les jeunes filles, les pasteurs congolais, n'en parlons pas. Oh, pasteur congolais, il te tend le doigt, l'autre doigt est rouge, l'autre est noir. Avec les bijoux partout, ils ont choré les cheveux, ils sentent comme ça, ils ont mis le parfum. Fanta Coca-Cola, c'est ça. Et il parle comme ça du Seigneur Jésus. Il faut que ça change. D'accord? S'ils le font comme ça, ce n'est pas le modèle de la Bible. Ils ne sont pas des modèles. La Bible nous a dit qu'on porte le modèle vers ceux qui marchent d'après le modèle qu'on a vu dans la Bible. L'être humain sur la terre, s'il ne marche pas droitement comme Dieu le veut, il n'est pas un modèle. Donc, nous portons le modèle sur les références que produit l'université de Harvard aux États-Unis ou bien l'université d'Oxford en Angleterre, on veut être tel modèle. On veut être comme Bill Gates. Vous ne savez pas comment il a commencé, quel esprit il en est. Vous devez avoir le modèle dans la Bible. Amen. Prenez les gens dans la Bible. Amen. Regardez, c'est la Bible qui nous dit, observez ceux qui ont annoncé la parole de Dieu comme vous. Regardez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Mm-hmm. C'est ce que la Bible dit aux chrétiens. Mm-hmm. On n'a pas dit qu'on prend un modèle pour les gens dans le monde. On a dit comme limite la foi de ceux qui ont annoncé l'évangile et qui ont vécu. Comme la Bible le dit, vous pouvez prendre votre foi sur les gens qui ont été pervers, des perversions sexuelles. Aujourd'hui, les gens se marient dans ce continent-ci, le lendemain, ils divorcent. Ils ont même ce qu'on appelle le contrat de mariage. Mm. Donc, on fait le contrat. On se marie pour 2 mois. C'est quel style de vie ici? C'est le bailleur. Donc, ça veut dire que c'est comme les maisons où vous louez pour un peu de temps. Mm. La délivrance là. Faut la délivrance. Et le pire, c'est que les chrétiens sont là-dedans. C'est pas possible d'expliquer hein. Ça à eux, je veux dire. Oui, à eux. Enfin, mais il faut quand même leur dire la vérité. Mais tu sais, moi par exemple, oui. Moi je suis étrangère, hein, oui. Et mon beau-fils c'est un Belge. Oui. Comment je peux lui dire que, écoute, votre contrat c'est n'importe quoi. Il m'a dit, Elena, vous êtes. Trop dur. Enfin, il m'a dit. Vous êtes malade. Pour dire que, qu'est-ce que je peux savoir en fait. Oui. Parce que le contrat. Je ne suis pas belge, je ne suis pas. Le contrat là, c'est comment? Ils ont signé le contrat pourquoi? Comment? Ah ben, pour que ma fille n'aura pas de son bien, quoi. Oui. Tu vois? Ou l'étage, la maison, tout ça. Mais ma fille, elle n'a pas... Elle n'a pas pensé. Elle a son coup de sa maison, quoi. Oui. Elle est mariée avec lui, mais elle... Maintenant, elle lui propose d'acheter ensemble mm-hmm. la maison pour que ça sera à eux, parce qu'elle mm-hmm. a dit, je ne me sens pas comme chez moi. Mm-hmm. Mais lui, il ne veut pas. Il a dit, non, c'est comme ça. Déjà 10 ans, quoi. C'est 10 ans. Et c'est toujours comme ça. Vous êtes où, là, dans quel continent? Moi, je suis tourmenté seulement depuis que je suis là. J'ai tourmenté. Surtout mercredi passé, Charlotte mm-hmm. était un peu ici, là. Oui. Dans l'intégration, parce que l'intégration sociale, tout ça, nous a envoyé balader un peu, donner des instructions pour aller se renseigner. Oui. On est sorti dans une ville, quand le soleil a commencé. Oui. C'est nu seulement dehors. Tout, ils sont nus. Tout. Oh. Toujours à l'arrêt, je vois des jeunes enfants comme ça, en train de s'embrasser, tout ça. Il dit, mais... Mais tu ne les as pas crié dessus que c'est le péché. On va te renvoyer à Côte d'Ivoire là. Ça a commencé. Ça doit commencer même. Parce que je disais à mon épouse que je sens l'intérêt de mon péché. Je lui disais comme ça que tant tu condamnes pas le péché, c'est que tu participes. Oui. Oui. Mais vous pouvez. Là, attendez. Vous êtes prêts à faire cela et attendre les répétitions. Contrevention, depuis, on a parlé de ça déjà. Oui. Donc, vous avez la garde l'argent dans la course comme ça, si on vous condamne, vous payez. Pas encore, mais. Au étage, au tribunal. Oui. Parce que c'est. Les lois ici, les lois là-bas, l'intégration, ils sont en train de faire tout ça. Dit, on ne crie pas dans la rue. Oui. On ne crie pas dans la rue. Tout ça, on ne crie pas. Oui, mais ça, c'est pour l'évaluation. Si on fait notre fête là dans la rue, ça ne fait rien. Mm-hmm. Ils peuvent parler dans la rue, dire n'importe quoi, mais si je dis, c'est pour le Dieu. J'aimerais bien qu'il passe dans cette chronologie. J'ai dit, là, s'il me renvoie en Afrique, il rentre chez moi rapidement. Oui. Vraiment. Ah, Seigneur, envoie-nous Jean-Baptiste. Envoie-nous Jean-Baptiste. Il t'appelait les gens dans la rue, je vous le dis. Il faut qu'il y ait des Jean-Baptiste en ce moment. Bon, pourquoi ton mari n'a pas été Jean-Baptiste alors? C'est faux. C'est ça. Parce que Jean-Baptiste est ici à côté de moi. Il faut qu'il y ait des Jean-Baptiste. J'ai parlé même avec le frère il y a quelques temps de cela. J'ai dit que les gens n'osent pas. Ouvrez la bouche. Bon, ce que vous allez faire, c'est que ne sortez pas avec précipitation. Mm-hmm. Restez dans le secret jusqu'à ce que Dieu vous ouvre son esprit pour aller. Mm-hmm. Faites cela. Quand c'est l'esprit qui va parler, on va vous taper, ça va vous faire mal, mais ça ne fera pas mal à l'esprit. Mm-hmm. D'accord, vous allez avoir des points en haut. Donc, ça veut dire que ta femme est dans une maison où elle ne peut pas dire sa maison. Ça veut dire que demain, c'est pas, elle n'a rien là-bas. C'est pas la question qu'elle veut quelque chose, c'est pas ça. Oui, mais c'est pour que ce soit ensemble, oui. Tu vois. Oui, mais je déjà dit, il met partout les. Enfin, mon beau-fils, il a voyagé beaucoup, il a amené de l'Inde, mm-hmm. un truc comme ça, statue, avec le Bouddha, avec plusieurs bras comme oui. ça. Qu'elle veut croire, voilà, c'est qu'elle ne sait pas y croire. portrait de Krishna, égyptien, le pharaon. Pharaon et sa femme, mm-hmm. Cléopâtre, ici, enfin, c'est toute la chambre comme ça, c'est avec terrible. Les trucs là. La petite, elle a peur, quoi. Elle se réveille la nuit, maintenant ça va mieux. Mais elle est chrétienne. Lui? Elle, oui. Enfin, courage oui, d'accord. C'est-à-dire qu'elle... Elle craint Dieu quand même. Un peu, oui. Mm-hmm. Enfin, un peu, je ne sais pas. Et alors, voilà, quoi. Elle prie, mais... elle, quand je parle de choses, elle ne me croit pas. Elle me... Enfin, c'est... Donc, c'est pas profond, quoi. Oui, elle est ni de son côté avec la Bible totalement, elle est ni du côté de Pharaon. Oui, mais elle... comment te dire? Elle va à l'église catholique parfois. Oui. Juste parce que. Eh bien, voilà. Dans ce cas, ce serait simple à la maison. Elle porte aussi Marie, elle met à côté, quoi. Oui, parce ça. Que si mmh. celui-là, Pharaon, Bouddha, Krishna là-bas, oui, elle oui, porte Marie, petit... Joseph. Mais c'est que je lui dis. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est l'icône de Jésus, enfin, des trucs comme ça. Parce que, oui, c'est comme ça. Ah, vous parlez. Personne oui, c'est le musée des idoles. Oui, alors, c'est ça, les musées. Voilà, voilà. C'est vrai. Là, c'est vrai, est-ce que ton beau-fils dit souvent à ta fille et vice-versa que je t'aime? Il dit souvent ça. Ils se disent que je t'aime. Je ne sais pas, tu sais, je vois très rarement. Hein. Oui, mais ils sont... Je n'y crois pas, enfin, je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ils sont voués à l'échec. Ils vont se séparer comme tous les autres se séparent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une réforme dans cette société. Et on est étrange, c'est étrange de voir que c'est les endroits où les apôtres ont prêché en premier lieu. Mm-hmm. On est étrange de savoir que c'est des endroits où Charles Finney, Moody et tous les autres, là, John Spurgeon et autres, qui ont bouleversé l'Europe, sont passés avec l'évangile. Ils ont enterré leurs voix sur les décombres, construit la modernité de la satanique au-dessus de cela et fait disparaître toutes les traces dans les bibliothèques. Ils peuvent parler de Karl Marx, parler d'un certain philosophe de Kaiser. Oui, mais vous allez dans ces choses-là, vous ne verrez pas Charles Finney. Vous ne verrez pas Maudit qui ont parlé ici, où même les potentats, les reines étaient fascinés par la prédication et le rassemblement des foules qu'ils faisaient. Vous ne verrez pas ça dans les musées. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des comptes rendus historiques, des choses qui donnent gloire à Dieu. Mais nous devons être des monuments et des bibliothèques vivantes pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Amen. Je vous aime. Je suis le frère Junior. Rien, ça va? Tu as vu maintenant ce qu'il faut faire pour suivre le Seigneur, n'est-ce pas? Le prix qui est en là. Maintenant, il faut que tu... Mais tu as des problèmes, hein? Il te faut être baptisé. N'est-ce pas? Il va te baptiser, c'est ça? Parce que le frère Joseph, tu as salué la reine. Oui. Que Dieu te bénisse. Oui. Et ouais, il va aussi te donner les enseignements. Dieu, voilà, il y a le site. Vous avez au moins la facilité avec Internet aujourd'hui. Voilà, les gens, vous prenez connaissance, ça vous permet. Tu ne dois pas dire que je vais faire comment. Vous avez les soeurs qui sont partout ici. Quoi que vous êtes dans la même ville, vous trois. Ben voilà. La Bruxelles. Donc, on se voit maintenant, on ne se voit plus sur Skype, n'est-ce pas? Sans dire maintenant. Donc, vous êtes à Bruxelles. Ensemble, vous travaillez ensemble, vous réunissez ensemble. Dieu voulant. Il y a les dimanches où on se réunit sur Skype. Elle est souvent sur Skype. Les gens sur Skype, on fait des enseignements ensemble quand je suis au Cameroun. D'accord? Ah, c'est vrai, c'est bien. Oui, on fait des enseignements. Ouais, ouais. Ouais. Ah, merci Seigneur pour la parole que tu l'as amenée aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment enfin, juste exact ce qu'il fallait. Ouais. Que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas? Ouais. Donc, si vous avez des questions, posez-moi les questions que vous voulez. Alors, Joseph, avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, moi j'en pose. Ben, j'ai juste. J'ai déjà parlé à Joseph. Tu dis tout à l'heure qu'on doit aimer tout le monde, là. Oui. Pas que chrétiens. Oui, oui, ceux qui donnent les autres oui. aussi. Mais. Alors, c'est ça que je voulais te demander l'autre fois. C'était écrit dans le, je ne sais plus dans quel évangile, que donc, ah non, je t'avais dit déjà ça, que donc on ne doit pas en même temps manger avec quelqu'un qui n'est pas avec nous, et l'autre c'est que Allons-y, allons-y, lise là, allons-y. Il faut que... Un Corinthien, hein. Un Corinthien, ça va, ça va, ça va, un Corinthien. Oui. Chapitre 5, allons-y là-bas. Et puis, dans l'autre, pour moi, c'est, tu vois, comme si c'est contradictoire. Oui, pour moi, c'était ça, parce que je n'ai pas bien compris, évidemment. Oui. Mais voilà, c'est ma question toujours, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas chrétiens. Oui. Et voilà, on a parlé à Joseph, je ne dois pas côtoyer normalement. Oui. Mais je ne sais pas, je parle de Dieu, je oui. parle que je suis chrétienne. Oui. Enfin, j'aimerais bien m'améliorer. Voilà. Non, c'est très bien. Mais je ne suis pas encore. Comment se comporter? Mais voilà. La question doit être répondue, c'est dans ce chapitre-là que ça s'est répondu. On va lire 1 Corinthiens chapitre 5 et trouvons cela là-bas. D'accord? On nous en est à partir du verset 9. De 1 Corinthiens 5, c'est là où ça se trouve. Il faut que tu ouvres pour vérifier. Oui, ça. Oui, 1 Corinthiens. Voilà. Que Dieu te bénisse vraiment. 1 Corinthiens chapitre 5. Ah, 5. Oui. Chapitre 5. À partir du verset 9. Voilà. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Alors, là, ce que mon grand frère est en train de dire ici, tu sais, c'est mon grand frère. Mm-hmm. Mon grand frère qui a écrit ça. Tu le connais? Oui, Jésus. Non, c'est la porte de Paul, c'est mon grand frère. Ah, Paul, frère. Oui, Paul? Oui. Ah, d'accord. Il dérangeait beaucoup quand il était jeune. Ah, oui. Ah, ouais. Mm-hmm. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, il dit, nous sommes dans le monde, par exemple, nous voici dans une société. Il dit, il veut être clair par rapport à ce qu'il a dit pour qu'on ne me comprend pas. Mm-hmm. Il dit que ce que j'ai écrit dans ma lettre, c'est que ce n'est pas de ne pas avoir des communions, enfin, des relations mm-hmm. avec les impudiques, les ravisseurs ou les cupides de ce monde. Il dit, il ne parle pas de ce monde. Vous voyez? Parce mm-hmm. que au travail, tu auras quelqu'un qui sera en train de regarder la pornographie. Tu vas entrer dans un taxi, tu vas écouter quelqu'un qui a écouté une musique du mm-hmm. monde. Mm-hmm. Tu vas aller à la plage, t'asseoir à la plage de ton père pour voir l'eau de ton mm-hmm. père. Mm-hmm. Tu vas voir une jeune fille va passer avec ses fesses dehors. Mm-hmm. Autant de choses. Tu ne peux pas fuir. Il veut dire, nous sommes dans le monde mm-hmm. avec eux. Mm-hmm. Mais il a indiqué clairement ce qu'il en est. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Donc, si c'est un chrétien, il est plus dangereux que quelqu'un du monde. Parce que celui-ci peut justifier ses péchés en prenant les versets bibliques. Mm-hmm. Alors que celui du monde le fait tout naturellement. Ouais. Tu vois la différence? Mm-hmm. Donc celui-ci est plus dangereux. Mm-hmm. Parce que quand on est dans l'armée, par exemple, vous allez en guerre, et que vous voyez par exemple la présidence américaine, on a envie d'accuser le service secret américain d'avoir été infesté par le service secret russe lors des élections présidentielles. Mm-hmm. Et là, on démêle de ses fonctions le chef de FBI. Qui a livré certaines informations. Pourquoi? Parce que si tu es dans l'armée et qu'on est ici en couverture, dans ces camps-ci, tu quittes pas le camp ennemi et tu reviens, ça pose problème. Mm-hmm. Parce que certainement tu as livré les informations là-bas. Donc, étant chez nous, tu es plus dangereux que l'ennemi. Ah oui, oui. Parce que tu connais les choses de nous et tu peux livrer le camp à l'ennemi. Mm-hmm. Alors, maintenant, il dit ici que ce que je vais écrire, c'est que c'est pour que quelqu'un qui est normalement frère, donc si quelqu'un dit qu'il est chrétien et que vous le voyez vivre dans la cupidité, mm-hmm. dans l'idolâtrie et toutes les autres choses de dérèglement, là, oui, comme oui, les gens du monde, oui. c'est de lui qu'il ne faut même pas manger avec lui. C'est de lui dont il est question. Ah. C'est lui, pas ceux du monde. Donc, voici deux personnes, par exemple, remarquez très attentivement. Les deux, on prend un exemple. Si celle-ci dit qu'elle est chrétienne, mm-hmm. et je vois, elle vient avec la réunion avec nous, mais par derrière, elle vient avec une garçon qui n'est pas son mari. Elle vit dans la fornication, dans la débauche. Tu vois? Si elle fait cela, et quand la Bible nous dit clairement que fuyez la débauche et qu'elle vit comme ça en cachant, et celle-ci n'est pas du monde, elle vit la même situation dans sa vie, je préfère m'asseoir avec celle-ci pour causer. C'est ce que la Bible vient de nous dire. C'est mieux de causer avec celle-ci que celle-ci. Tu as bien saisi? Oui. Voilà. Si quelqu'un aime l'argent, la cupidité, aime le bien, le matériel, vous entendez un chrétien qui dit waouh, la Infinity, waouh, la Porsche. Wow, la maison là, quand je serai grand, il va avoir cette maison. C'est un danger. Ah oui, oui. C'est un danger là-bas. Mm-hmm, mm-hmm. Pour un mondain, c'est normal. Parce qu'il n'a pas autre chose que. Il ne connaît pas la vérité autre que cela. Mm-hmm. Lui, on peut l'amener facilement. Il dit, ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais le chrétien, quand il va faire cela, Il va aller dans la Bible, il va dire que Salomon lui-même avait une grande tente. Mm-hmm. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. C'est vrai. Ouais. Tu as vu? Ouais. Quand il va vouloir sortir avec deux femmes, trois femmes, il va dire mm-hmm. Salomon avait 1000 femmes. C'est vrai mm-hmm. ou c'est pas vrai? Donc il va vouloir justifier son péché. Il est ouais. dangereux parce qu'il peut entraîner les gens dans, la, dans le péché. Ouais. Tu vois? Maintenant, Hébreux, chapitre. Allons dans le livre d'Hébreux. Chapitre 14, ou bien chapitre 12 d'Hébreux. Chapitre 12. Regardez, vous y êtes dans Hébreux. Oui. Hébreux chapitre 12, oui. Oui. Et venez verset 15, regardez. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous avez vu cela? On doit veiller à cela. Que quelque chose ne grandisse pas au milieu des chrétiens et que ça infecte tout le monde. C'est pour ça qu'il faut ôter le méchant du milieu. Mm. Vous voyez? Donc, c'est ça dans une question. Il dit, on dit, remarquez bien, ça continue, ça ne sait pas quoi finir. Verset 16 dit, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü qui pour un maire vendit son droit d'aînesse. Donc, ces jeunes personnes ne doivent pas se retrouver au milieu chrétien. C'est-à-dire, en réalité, si on veut suivre Christ véritablement, le milieu là, les principes du milieu, si on veut respecter véritablement la Bible, ça va chasser plusieurs personnes. Si. C'est pour cela que les gens se complaisent dans le péché. Parce que le dirigeant est dans le péché, mm-hmm. il peut tolérer le péché avec eux. On doit regarder le péché comme Dieu regarde. Mm-hmm. Si quelqu'un vit dans le mal, il faut lui dire que ceci est mal. Parce que tu lui dis la vérité, tu l'aimes en lui disant cela. Mm-hmm. Mais si je dis que mon frère, ma soeur, c'est dont Dieu comprend tes faiblesses, il comprend les faiblesses, c'est frère. Mais tu dois quitter. Parce que la Bible a dit, fuyez le péché, fuyez la fornication, donc c'est à toi de fuir, pas à Dieu de le faire. Donc ça, c'est ton rôle. Parce que tu as tes deux jambes pour fuir. Mm-hmm. Si dans une maison, que c'est un mari, c'est un homme qui, l'homme qui est marié, qui a loué, fuis de cette maison. Dis, je ne suis pas avec toi, fuis. Et recherche. Et c'est là donc où l'amour des chrétiens devait se manifester. Mm-hmm. Quand il fuit comme ça, il n'y a nulle part où aller, il devait se retrouver chez les chrétiens. Mm-hmm. Mais là, les gens qui le montrent, ils sont la porte est fermée chez les chrétiens. Oh, bon, ici, j'ai une seule chambre. J'ai une seule chambre. Si Jésus entre là-bas, tu refuserais. Si Jésus dit, pam, pam, pam, à la porte, tu dis, c'est Jésus. Est-ce que tu vas refuser la chambre, même si c'est le lit, qui, le, un seul lit que vous avez. N'est-ce pas? Alors, si tu le fais à un chrétien, c'est à Jésus que vous avez fait. Amen. Nous fermons nos endroits. Il faut qu'on change. Mm. Il faut qu'on change. Mm. Des questions? C'est compris là maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que quand tu es avec les gens du monde, bien ceux qui ne sont pas chrétiens, tu peux aller vers eux, leur parler, témoigner vers eux. Mais tout en fixant des limites. Mm. Pour, oui, ne, pour ne pas t'accoutumer et tomber dans leur piège. Oui, oui, oui. Quand tu viens, tu as un objectif sur le cœur, que c'est toi, toi qui dois aller gagner à Christ, si possible. Pas eux donc te gagner. Mm. D'accord? Mm. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui est chrétien, il marche à côté de toi, il dit, quelqu'un dit, oh! Mon ami là, il m'a donné hier de l'argent. On est allé en boîte de nuit. Mmh. Et qui dit que les chrétiens, mmh. dit c'est la dernière fois qu'on se rencontre. Mmh. Va régler ton problème avec Dieu. Mmh. Et le match avec lui, il est dangereux. Il faut être cash clair là-dessus. Amen. Amen. Des questions? Et, allez, concernant par exemple, comme tu dis, les frères, les bien-aimés, par exemple la cupidité, parce que ce passage est clair que oui. c'est un bien-aimé. Mais si tu es avec un bien-aimé, une bien-aimée, tu sais que cette personne a ce problème. Oui. Et où elle doit se manifester la patience de Dieu? La patience de Dieu. Tu ne peux pas être plus patient que Dieu. C'est qu'il a donné comme instruction. C'est une instruction. Mais le Seigneur dit aussi que supporter les uns les autres. On a c'est pas ça. Le péché, c'est le péché. On n'a pas dit qu'on supporte le péché. Ici, c'est le cas des péchés. Parce qu'il dit que ce que j'ai écrit dans ma lettre, c'est de ne pas avoir des relations. Il dit qu'il ne faut pas avoir des relations. Tu vas être plus relationnel que Dieu. Et si par exemple tu as quelqu'un qui tu sais que chaque fois la personne veut toujours demander, que ce soit directement ou subtilement, de l'argent à tout le monde, des choses. Quand vous voyez ces choses, ce genre de personnes, la personne est venue dans le monde comme ça. Ça veut dire même dans le monde, la personne fonctionnait comme ça. Bien. Parce qu'il y a des gens qui utilisent justement la grâce de Dieu pour pouvoir faire de l'argent. C'est pour ça qu'il faut éprouver les gens pour savoir vraiment s'ils sont croyants. Mmh. Parce que citer la Bible, parler des choses de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es des dieux. Mmh. Il faut passer à une autre étape du discernement. Mmh. D'accord? C'est vrai, on dit clairement. Ce genre de personne, si j'ai besoin d'argent, si j'ai non, et prions. Je te trois jours. Tu vas voir si la personne peut gêner. D'accord? Mm-hmm. Mm-hmm. Que Dieu vous guide seulement. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais moi, je le badine parce que si c'est péché, on appelle péché. Si c'est droit, on dit c'est droit. Si quelqu'un ne peut pas marcher comme Dieu veut, il s'éloigne. Mm-hmm. Jésus lui-même, quand il a dit la vérité aux gens, les gens sont partis. Il les a appelés pour dire, hey, pardon, venez. Si tu veux partir, tu pars. C'est ton choix que tu as fait. D'accord. Des questions. Comment ça te parle? C'est moi qui me parle. Tu dis que ouais. Où est la patience alors? Parce que parfois, je dis ouais. Okay. Ça, c'est le sentiment. C'est la patience. Le sentiment, c'est pas le patient. C'est le sentiment. D'accord. Si je veux faire ce que Dieu fait, fais qu'il reste de son côté. Dieu est patient. Lui, Dieu veut savoir comment traiter avec lui. Tu peux prier avec lui vers le secret, mais tu prends la position que Dieu a dit. Il n'est pas avoir de relation avec lui. Donc, quand tu ne te sépares de la personne, c'est parce que tu aimes la personne. Parce que tu peux prendre pas aux œuvres infectieuses de tes nerfs. Mais de l'autre côté, tu restes maintenant, tu pries pour lui. Seigneur, je prie au Père de gloire que tu accordes la repentance à tel frère. Je prie au Dieu de gloire que tu ôtes cet esprit de cupidité en lui. Le jour où il est délivré, il vient vers toi. Parce que tu es son frère, tu es sa soeur. Le délivré vient vers toi, dire, oh ma soeur, tu m'as vraiment aidé. Dites la vérité aux gens. Mais ce n'est pas de dire aux frères. Moi, on dit la vérité, mais tu vois, j'ai un cas de figure, je dis la vérité, tu vois, je dis. Mais non, là, non, ça ne se fait pas. Mais je ne sais pas, moi, j'ai toujours ce que du problème que je dis, ouais. Je ne suis pas patient. Est-ce que le Seigneur avait pitié? Ta patience peut enlever la cupidité. Il s'est parlé. Est-ce que ta patience peut enlever la cupidité, le péché? Ça n'enlève pas. Prends la position qui est la position de Dieu et laisse Dieu faire. Toi, de ton côté, c'est pour, comme elle parlait de l'amour, parce qu'elle disait que quel est le juste milieu du mal-amour. En te séparant, tu obéis à la vérité. Oui. Et par conséquent, tu aimes le Seigneur. En te séparant de lui, tu l'aimes aussi parce que tu ne veux pas qu'il se noie. De l'autre côté, maintenant, la preuve de l'amour, c'est que tu pries pour lui, pour qu'il soit sauvé. Pour que Dieu lui accorde la repentance. C'est pas parce que tu es à côté de quelqu'un, vous s'asseyez, vous mangez à table, que veut dire que tu l'aimes. Non. C'est pas parce que tu enlèves l'argent. Il y a des gens qui enlèvent l'argent, ils te donnent, ils te mousent avec cet argent. Tu comprends? Donc, il a vu des cas quand tu es à table, mais avec le grand, il ne t'est même pas à parler parce que il faut mettre un couteau autour de ta gorge. Parce que tu t'amuses, tu vas vomir ce que tu as dit là-bas. Donc, il faut faire attention à la manière dont on s'assoit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, tu ne l'aides pas en lui donnant dans ces cas-là. Tu entretiens sa cupidité. Voilà. Parce qu'il y a des frères qui profitent en disant, comme on a dit que les frères sont ensemble, ils profitent, ils disent, peuple. Et la Bible va plus loin en disant que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. C'est ce que la Bible déclare. Quand les gens ont la capacité de travailler, qu'ils doivent travailler. La Bible faut dire que quand nous avons été au milieu de vous, nous n'avons pas mangé la nourriture gratuitement des personnes. Nous avons agi, c'est pour montrer qu'il faut travailler des propres même pour nourrir les gens avec qui nous sommes. D'accord? Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Des questions. Posez toutes les questions. Sortez tout ce qui peut vous causer des crises cardiaques. Sortez-les. La parole, c'est une épée, non? C'est divise. Hein. Il n'y a pas de sentiment. Hein. Quand il tire sur le péché, il avance. Sortez toutes vos questions que vous pouvez avoir. Si vous n'avez pas de questions, si c'est terminé, on ferme et on remercie le Seigneur. Il est allé chez mon canet. Le canet des questions, frère. et peut-être, si c'est canet, c'est beaucoup. Comme vous allez dormir, que les autres vont partir. Okay. Mais on les permet de partir. On va travailler. C'est ça, non? Okay. Tu vas dormir avec nous, non? Le dernier train. Ça, mais toi, tu es à Bruxelles, non? Toi, tu es à la voiture. Oui. Eh bien, vous pouvez partir, ça. Mais voilà. Donc tu n'as pas besoin de train, ma soeur. N'entre pas dans le train de ces mondes, d'accord? N'entre pas dans le train de ces mondes. En tout cas, tu n'es pas là. Donc tu promets que tu vas la laisser, n'est-ce pas? Ah ben voilà. Est-ce que quelqu'un n'entre pas dans le train de ces mondes, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ma prière, c'est que si je sors hors de votre pays, et que j'entends plus tard, que vous vous réunissez dans l'amour du Seigneur, que les gens s'aiment véritablement comme le Seigneur veut. Et je saurais que, oh Seigneur, tu m'as envoyé dans ce continent, j'ai fait exactement ce que tu as fait. Parce que mon but, c'est que les gens servent Jésus comme il se doit, au milieu de cette génération qui est pervertie. Que vous vivez comme Dieu veut. Et là, ce jour-là, on va chanter ces cantiques-là ensemble. Amen. Je saurais que quand je vais entrer avec vous, on chantera tous ces cantiques-là. Vivez comme le Seigneur le veut, il y a une récompense derrière. Et il n'y a rien sur la terre que vous pouvez garder qui est permanent. Rien. Même pas votre maison. Il suffit qu'une constitution change. Une loi change, vous perdez tout ce que vous avez. Il suffit qu'il y ait une dévaluation. On change des systèmes de monnaie, vous perdez tout. Alors sur quoi donc vous attachez? Ne vous attachez sur rien de ce monde-ci. Le peu que Dieu vous donne, la substance que Dieu vous donne, dites-lui merci. Avancez avec lui. D'accord? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, tu peux prier pour nous, non? Merci Seigneur de nous avoir réunis autour de ton nom, Seigneur Jésus de Nazareth. C'est toi le pourvoyeur, c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui organise cette rencontre, Père. Nous te remercions, Seigneur, et nous savons que tu as béni les frères et sœurs ici présents. Et nous voulons que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, brise toutes les barrières dans nos vies, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir te suivre, à marcher selon l'esprit et non selon la chair, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est toi, Seigneur, qui es le seul guide. C'est toi qui es notre seule force, notre seul espoir, Père. Daigne, Papa, toujours nous accompagner, Papa. Malgré les moments difficiles, Seigneur, daigne nous rassurer, Papa. Quand rien ne va, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car si tu l'as mené dans ce pays, tu as conduit les frères et sœurs ici, Seigneur, c'est parce que tu avais un programme, tu avais un plan dans notre vie, Père. Oh, Père, nous te disons pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous t'avons blessé, Père. Daigne nous pardonner, Papa, car personne ne peut mieux pardonner que toi. Personne ne peut mieux guider que toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut mieux nous aimer que toi, Père. Tu nous as aimé que tu as versé ton sang sur le mont Golgotha, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, le pardon de nos iniquités, Papa, car le cœur de l'homme est mauvais. Papa, le cœur de l'homme est mauvais, Papa. Il n'y a que toi pour nous purifier. Il n'y a que toi pour transformer nos vies. Il n'y a que toi pour transformer, pour briser nos caractères, Papa. Car c'est des forteresses, nos caractères, Père. Change nos mentalités, Papa. Que quand nous sortons d'ici, que nous soyons plus les mêmes, Papa. Que nous soyons transformés par ton esprit. Par le souffle de ton esprit, Père. Alléluia. Souffle sur nous, Papa. Alléluia. Souffle ton esprit. Un esprit nouveau, Père. Alléluia. Pour nous transformer. Alléluia. Afin que nous transcendions toutes nos difficultés, Papa. Alléluia. Au travers de ton nom. Ce nom si puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons encore t'aimer. Donne-nous un cœur nouveau pour t'aimer, t'aimer, t'aimer. Toi et rien que toi. Alléluia. Et que nos regards soient fixés dans le ciel, Papa. Et non sur la terre. Alléluia. Car nous espérons le royaume à venir, Papa. Qui n'est pas comparable à celui-ci. Oh Dieu, daigne, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Nous fléchissons nos genoux devant ton trône, Papa, pour te demander pardon. Pardon, Seigneur. Fortifie-nous, Père. Il n'y a que toi qui puisses nous fortifier. Oh Père, nous te demandons encore pardon, Père. Daigne-nous pardonner, oh Père. Et daigne-nous bénir. Nous bénis encore, Seigneur. Pas le matériel, Papa, mais donne-nous la vie éternelle. C'est ça que nous désirons, Papa. Nous ne désirons pas les biens de ce monde. Mais nous désirons ton royaume et rien que ton royaume, Père. Oh, instant, prier et remercier en notre pression de Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, frères. Soyez bénis, mes soeurs. Honorez le Seigneur avec vos vies. Honorez-le avec vos actions. Honorez-le par vos paroles, par vos comportements, par votre habillement. Honorez-le. Quoi que vous fassiez, honorez le Seigneur d'abord. Pensez à lui chaque fois. Pensez à lui. Pensez qu'il vous connaît, qu'il vous a connu, qui vous a choisi, qui vous a élu avant la fondation du monde. Vous qui allez loin, vous qui rentrez loin, que Dieu vous accompagne. Vous qui serez là demain matin, que Dieu vous accompagne également. Et que nous retrouvons autour de la parole. Il est plus de minuit. Donc nous retrouvons à 9h, nous commençons à 9h. 9h ici. Que Dieu vous bénisse. Il est minuit. Soyez bénis. Bonne nuit. Donc tu dis à demain, tu vas venir dimanche, c'est dimanche ou bien demain? Demain. Mais demain c'est dimanche, nous sommes déjà samedi. Demain samedi. Ah, il faut venir dimanche? Non, nous sommes déjà samedi, non, c'est donc à tout à l'heure. Ah, mais tout à l'heure, à oui, tout à l'heure. Ah oui, c'est bon. Enfin, je ne pense pas. C'est une, attends, il y a un peu de trucs à manger. Ah non, tu vas boire juste la bouche. Non, il faut manger un peu avec nous. On a mangé la parole, on mange aussi ça aussi, un peu seulement. Juste un peu parce que. Ah, le bouillon, je veux bien. C'est parce que. Oui, mais si c'est gentil, je veux bien. Sauf que je ne sais pas manger beaucoup. Elle a fait la bouche. Oui, de bouillon avec le lait. C'est bon, hein? C'est vrai. Oui, il boit même avec le lait. C'est très bon. C'est vrai, j'ai jamais vu. Tu vas goûter. Non, bouillie. Ah, bouillie. Comme bouillie. Avec de lait. Ah, d'accord. Il faut qu'un jour tu viennes au Cameroun. Hein. Tu viens en vacances au Cameroun, d'accord? J'aimerais bien, mais je Tu sais, je... Ma fille habite, ma fille est la plus jeune, elle habite à Jordanie. Oui. Et quand je vais là-bas, c'est deux fois avion. Je suis fatiguée, non. Tu sais, après, je suis malade chaque fois quand je vais chez eux. Oui. Chaque fois, je suis malade. Oui. Soit avant, soit après. Oui. Et quand chaque fois avant vacances, je prends. Bon, ce qu'on va faire, c'est que. On va, c'est qu'on va faire. Soit après. Bon, alors, on va prier, donc on prie comme ça. Quand tu veux partir, tu dis Seigneur, veux partir, va, il te fait disparaître. Tu as tiré au Cameroun alors, c'est ça? Oui, ça, d'accord. Oui. Et c'est combien de. Mais 6 heures. 6 heures. Oui, c'est pas beaucoup. 6 heures et demie. Ah, c'est le vol direct? Oui, il y a des vols directs. Il y a des vols directs? Oui. Ça va, ça. Il faut rester dans le. Non, il n'y a pas. Le port. 6 heures, attendre. 7 heures, attendre. Tu dis ici à 10 heures. Tu viens au Cameroun? Tu viens au Cameroun? On va t'accueillir, d'accord? Ah, merci, j'imagine. Vous êtes très accueillant. Mais peut-être que je vais un jour avec. Oui, tu viens avec Axel et Joseph. Ouais. Mais cette année, c'est. Non, ouais, non, parce que une fois, on va se programmer. Oui. Parce que. Oui, parce que. Sobatu, onatina na kombo.